Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 16. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire sur notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Vous pouvez aussi visiter notre forum. Vous y inscrire si vous le souhaitez, c'est eelb.su, eelb.su. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez nous soutenir, nous faire des dons exclusivement en crypto-monnaie, Monero, qui vous garantit l'anonymat et qui vous permet de nous soutenir dans ce que nous faisons. Alors, je voudrais citer bien sûr des donateurs qui se sont manifestés. Je vais commencer avec Nico, qui nous envoie ce petit message. Je vous ai fait une donation d'entre 1 et 2 Monero récemment. Si vous avez reçu le montant, dites dans votre portefeuille, veuillez prononcer cette phrase à l'antenne, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Cette donation n'est pas la première et ne sera pas la dernière. C'est la moindre des choses en reconnaissance de la qualité et de la quantité de votre travail. Je ne suis évidemment pas un fan de De Gaulle, et quand sa radio disait « Les Français parlent aux Français », il y avait un juif franc-maçon, Pierre Dac, au micro. Donc, c'était de l'esbrouf. Mais avec d'épée, vraiment, les Français parlent aux Français. Merci pour vos efforts et bon courage à tous les démocrates participatifs. Alors ça, c'est Nico et on le remercie. Alors, on a un deuxième don. C'est le suivant. Je viens d'effectuer un versement d'un Monero de 60 euros dans votre bourse elfique. Engageant que le grand œil du nécromancien Yutron n'en aura rien vu. Continuez avec sagesse et courage dans votre quête. Continuez à éclairer et fédérer les braves qui seront amenés à entraver les sombres menées donc, du nécromancien et de ses affidés, à combattre leurs armées d'orques démoniaques de tout poil. Bien à vous, et c'est Istar Radagast qui nous a fait ce don et qu'on remercie chaleureusement pour son soutien et à tous ceux qui nous font des dons et qui ne se manifestent pas par discrétion. Voilà. Alors avant de commencer cette émission, je vais maintenant présenter nos membres de cette semaine, et je précise que ce sera une émission spéciale 20 avril. Vous le savez que le 20 avril, nous célébrons la naissance du plus grand homme que l'Europe ait porté, à tout le moins au XXe siècle, même si on ne prête que riche, je veux bien sûr parler d'Adolf Hitler. Et nous allons célébrer ensemble, dans cette deuxième partie, cet anniversaire, 131 ans déjà, qu'Adolf Hitler est arrivé sur Terre pour libérer les peuples blancs. Alors, premier participant, Pierrot. Comment vas-tu, Pierrot, en cette énième semaine de confinement? Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Bah écoute, on se fait un petit peu chier chez soi en fait, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le temps est long, voilà. C'est long, c'est très long. D'habitude on dit plus c'est long, plus c'est bon, je confirme pas là pour le coup, hein. J'infirme là, radicalement même. MacDav est avec nous aussi cette semaine, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il a dîné peut-être, je ne sais pas. Comment va-t-il, MacDav? Salut Gandalf, salut les amis. Oui, alors effectivement, on m'a fait remarquer que sur le forum ELB, que certains d'entre nous mangeraient pendant l'émission. Oh, je confirme, mea culpa. Peut-être que j'avais quelques morceaux de saucisse coincés entre les dents. Voilà, exactement. Je m'en excuse, mais je suis un bon vivant. Hein. Je pense que nos auditeurs l'auront remarqué. Fulbert est aussi avec nous cette semaine. Comment vas-tu, Fulbert? Heiligler Gandalf. Tout comment va bien? Vas-tu? La pêche? Tout va bien, je connais devant. La pêche, oui, tout va bien, tout est ok. Bonjour à tous, au fait, et à toi. Est aussi avec nous cette semaine, en tout cas pour un certain nombre d'interventions, je veux le croire, Alexis, dont la sapience impressionne. Salut Gandalf, ça va, merci. Bonjour à tous les auditeurs. Et enfin, le cardinal qui, je pense, aujourd'hui, en ce 20... Alors, il faut savoir qu'on enregistre le 19, mais bon, c'est sur le 20, donc on fait tout ça d'une traite, donc c'est l'anniversaire du Führer. Je pense que le cardinal est particulièrement enthousiaste aujourd'hui. Comment vas-tu, cher Derek? Oui, écoute, je vais très bien. Je me suis remis du petit coup de mou, là, que ce confinement quasiment total... Nous fait à tous, donc j'ai réussi à reprendre la main, hein. Donc ça va beaucoup mieux. Et puis oui, pour rappelons à nos auditeurs et puis au monde entier qu'effectivement, la meilleure manière de se saluer sans risquer de se contaminer, c'est de faire un salut hitlérien, hein, et de dire « Heil Hitler » en levant la main droite. Donc c'est, voilà, soyez polis, hein, soyez courtois. Saluer vos semblables de manière convenable. Heil Hitler. Avec le salut européen traditionnel, hein, bien sûr. Alors, messieurs, je vous propose de commencer notre émission avec la première rubrique courrier des lecteurs, avec un premier courrier qui nous vient de Suisse. Alors, voici ce que nous dit notre auditeur. Pour rajouter de l'eau au moulin, en Suisse, il a été mis une distanciation sociale. Les commerces qui ne présentaient pas de biens et de services de première nécessité ont été fermés, ainsi que les écoles. Par contre, à part l'interdiction des groupes supérieurs à 5 personnes, des groupements, des regroupements, quoi, pas de répression policière et pas de petits papiers à montrer, en Suisse, donc. Les hôpitaux n'ont pas été saturés, il est vrai qu'ils ont mis en place de nombreux lits de soins intensifs et envoyé les opérations électives dans les cliniques privées. Finalement, on a fait gaffe, et il y a eu quelques morts officielles du Covid, mais surtout des vieux, sinon des obèses diabétiques. Mais tout cela n'a rien à voir avec l'hécatombe annoncée. Je faisais partie des gens très inquiets, car connaissant bien le système de soins, je pensais qu'ils ne pourraient pas tenir le choc. Ils ont supprimé les vacances des soignants, Et il y avait donc assez de monde. Ce qui est le plus intéressant, ma femme bossait dans un service Covid, les infirmières n'avaient à mon sens pas le matériel de protection adéquat. Pas de FFP2, pas de combinaison de cosmonautes. Étant donné ce qu'on savait des modes de transmission et de la virulence du Covid, étonnamment, il y a eu très peu de soignants qui ont contracté la maladie. En tout cas, à part une négresse obèse, peu de soignants ont développé des symptômes. Donc, où le Corona-chan, le coronavirus, hein, n'est pas si virulent, donc le confinement était inutile, auquel cas donc le confinement était inutile, ou le Covid passe inaperçu dans 90% des cas, donc n'est pas dangereux. Pour être honnête, les personnes hospitalisées en soins intensifs étaient à 50%, avaient à 50% moins de 50 ans, mais avaient des antécédents du type tabac, ou bien étaient obèses, ou bien étaient diabétiques, ou même avaient des problèmes respiratoires. Des gens sains. J'ai quand même entendu de sources sûres par une copine médecin que quelques personnes, donc des sportifs sans antécédents, avaient été symptomatiques avec des symptômes sévères, mais anecdotiques. Donc c'est anecdotique au regard de la masse des gens soignés. En tout cas, on pouvait continuer à faire du sport dehors pendant le temps qu'on voulait, sauf en salle, les stands de tir sont fermés aussi. Et là, ça a l'air d'affecter un petit peu notre auditeur. Et on est en train de sortir du pic, même si les Suisses ont un plus grand sens civique. J'ai tout de même l'impression que l'usage de drones et l'interdiction de balades en forêt ou sur les plages de France est complètement disproportionné. Et c'est Destroying First qui nous écrit ce message de Suisse qu'on remercie. Je suis content d'avoir des échos de la Suisse, qu'on nous dise un petit peu ce qui se passe là-bas, c'est pas mal. Simplement, ils n'ont pas un confinement comme on connaît en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'interdiction de sortir de son domicile, il n'y a pas besoin de montrer patte blanche quand on sort, demander une autorisation de mouvement, etc. Ça n'existe pas là-bas. Bon, les rassemblements sont interdits, les grands lieux de rassemblement sont clos. Ils paniquaient beaucoup, etc. Puis au final, ils se sont rendus compte que bon, c'était pas si dangereux que ça. Voilà. Donc voilà. Donc on a un point de vue suisse. Alors Derek, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Alors ils sont surpris de voir la brutalité de la répression avec les drones en France. Hein. Ils en ont commandé, je crois, 650, je crois, des drones. Hein. Bon, voilà. C'est en tout cas, il y a pas ça en Suisse. Hein. Ben oui, c'est d'autant plus intéressant à remarquer que les Suisses sont, sont réputés pour être des gens très très à cheval sur tout ce qui gêne, etc. Donc là-bas, tu jettes pas un papier dans la rue, c'est propre. Donc que nous en soyons à faire du zèle, à aller attraper les gens qui font du VTT ou du footing sur des chemins forestiers ou en montagne, et voir comme eux ne le font pas, c'est qu'il y a, bon, c'est qu'on ne fait pas les choses comme il faut, hein, clairement. Il y a une exagération qui est faite en France qui n'a pas lieu d'être. Enfin, qui a lieu d'être parce que les flics aiment faire des tours en hélicoptère et se sentir utiles à emmerder les gens dans les montagnes, dans les villages. Ils font du zèle, hein. Oui, je pense qu'il faudrait inventer un nouveau mot, parce que faire du zèle, là, c'est encore un petit peu trop faible par rapport à la saloperie que c'est Pandore, auquel c'est Pandore se... Ils ont commandé 650 drones, mais ça nécessite du personnel, quand même, pour s'occuper de ça, parce qu'il faut non seulement le faire voler, mais il faut aussi le... regarder les images, analyser les images, je me demande comment ça va être fait, ça. C'est des Mavic, quoi. C'est du DJI Mavic. C'est des drones classiques sur lesquels il y a un haut-parleur qui répète tout le temps la même chose. Et donc, sur ce pilote depuis le smartphone, c'est assez simple. C'est juste que les flics veulent faire joujou. Ouais, mais il faut un flic derrière, je veux dire. Il faut un mec derrière avec son... Un mec ou une nana. Une grosse qui truie, qui n'arrive pas à lever son cul de sa voiture, par exemple. Il y en a beaucoup dans ces interviews. Oui, c'est une profession qui attire ce genre de public, effectivement. Voilà, donc ils peuvent faire joujou et admirer le paysage sur leur smartphone ou avec un casque de réalité virtuelle. Hein. Ça peut être aussi fait pour... Sait-on jamais, on pourra appréhender plus facilement un terroriste, qui propage la maladie aux arbres dans la montagne à 2500 mètres d'altitude, avec un drone et un casque de réalité virtuelle sur la tête. C'est mieux. Quelqu'un d'autre sur ce confinement particulièrement sévère, en tout cas du point de vue suisse Non, pas spécialement. On en a beaucoup parlé, donc c'est pas la peine de s'étendre. Du point de vue blanc, tu veux dire, surtout. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là ? En France, c'est surtout les blancs qui sont fliqués et traqués comme du bétail. Hein. Dans les quartiers, visiblement, le confinement, ça va. Ça peut se passer comme on veut. Hein ? Ça a bien flambé, là, ces derniers temps. Je sais pas si tu as... Oui, j'ai suivi ça. Hein, le confinement n'est pas très très respecté dans les banlieues de la France. Les zones où nous cultivons nos joyaux, l'or bleu, l'or noir, l'or bleu pétrole. il y a eu des fêtes, des fêtes villageoises, je crois, sur tout Grigny, à fait, tout à fait. Ou des fêtes gauloises. On a tabassé du légionnaire romain. Hein. On a rendu hommage aux dieux avec des feux d'artifice. Tout à fait, des mortiers. Oui, des mortiers. D'un point de vue strictement sécuritaire, si tous ces bougnoules de banlieue n'ont que des feux d'artifice à opposer aux flics, ça va, on reste dans un domaine quand même qui est de l'ordre du gérable. Hein, voilà. Mais on le voit. Non, mais ils ont pas l'air chaud, parce qu'on dit tout le temps, non, mais la guerre civile, ils vont sortir les armes, etc. Non. pas tellement. Il y a eu la prime Ramadan, déjà, hein, cette semaine. On va en parler de la prime Ramadan, effectivement. Ouais. Double prime, donc, parce qu'il y a la prime de Noël pour les musulmans, et la prime Ramadan aussi pour les musulmans. Donc, c'est important de... Hein, c'est la laïcité bien comprise, monsieur. Voilà, donc en tout cas, on a eu un point de vue depuis la Suisse. Je pense que vous n'avez pas d'autres choses à rajouter. Non ? D'accord. On passe au courrier suivant. Alors, bonjour, participative Genos. Suite à votre dernière émission, je confirme, étant chef d'une petite entreprise, que nous travaillons pour la plupart à flux tendu. Et à l'heure où je vous parle, j'arrive au bout de mes finances. Les aides promises par l'État sont en fait assujetties à d'énormes contraintes. Les banques qui, censément, doivent soutenir les TPE, PME, PMI, donc ce qui avait été promis par la Tarlouse de l'Elysée, font la sourde oreille. Je pense notamment à certaines donc entreprises, je pense, qui font à certaines banques peut-être, qui font des pubs à la télé, vantant le soutien qu'elles apportent à leurs clients professionnels, provoquant chez moi un rire nerveux et jaune. Bon nombre de mes connaissances, petits et moyens patrons comme moi, sont dans la même situation et ne voient pas la fin du tunnel arriver. Sur divers forums, je lis que certains attendent avec impatience la fin du déconfinement pour entamer une révolution. J'ai quelquefois en vain essayé d'expliquer que 1789 ne s'est pas fait avec l'assentiment de Louis XVI, mais en se libérant de son bon vouloir. Ceci dit, c'est plus une image qu'un fait quand on sait par qui tout cela a été fomenté, mais le propos n'est pas là aujourd'hui. Ce courrier a simplement le but de confirmer ce que vous disiez sur la situation économique des vrais avant-gardistes de la République que sont les entrepreneurs, sûrs d'eux-mêmes ainsi que dominateurs, et d'exprimer notre désarroi comme on pourrait le faire, sans chialerie, mais de manière froide, tel un témoignage. Merci pour ce que vous faites. Vous lire et vous écouter est encore le meilleur moyen de passer ce confinement, entre colère et rire, alors encore merci. Force et honneur à vous, ainsi qu'à tous ceux qui pâtissent du confinement imbécile et aveugle, voulu par Meyer Habib et ses frères crochus de sang. Et c'est signé la grosse caisse de l'orchestre d'Auschwitz. Un musicien, donc. sur ses temps perdus. Lâchez du gaz, donc. Tout à fait. Alors oui, on a encore du mal à mesurer tout ça parce que on est encore en plein confinement. Ce confinement finalement n'est pas très ancien puisque il a 4 grosses semaines. Mais bon, 4 grosses semaines. Non, c'était quand c'était pas le 15 mars. Hein voilà, mais on est mi-avril quoi, donc 4 grosses semaines quoi. Ah ouais, ça fait 5 semaines. Ouais, on est dans la 5e quoi. Donc on n'est pas au bout du confinement qui est censé se terminer dans 3 semaines environ, et encore c'est très théorique, on aura peut-être l'occasion de le dire. Voilà, donc on a du mal à quantifier, à mesurer, d'autant que ceux qui sont les victimes ne peuvent pas sortir pour manifester, ou ne peuvent pas se rassembler, ou voilà, enfin ils sont paralysés en quelque sorte, et eux-mêmes ne savent pas exactement où ils se situent, au niveau financier, etc. Bon, ce qu'on peut dire c'est que la situation est très grave au plan économique, très très grave, très très grave. Je suis assez stupéfait, elle est finalement très volontairement, comment dirais-je, prolongée. Non, c'est pas ce que je veux dire. Elle est volontairement minimisée par les médias, c'est-à-dire que minimisée de la façon suivante, c'est-à-dire qu'en fait on ne parle pas exactement de l'ampleur de ce qui est en train de se passer, alors qu'aux États-Unis, par exemple, on peut évaluer vraiment l'évolution du chômage. Alors vous allez me dire, en France, il y a le chômage partiel, donc ça permet de gagner du temps, donc on peut pas tout de suite savoir. J'ai pas vu vraiment de projection de chômage pour la France, j'ai rien vu de tel. J'ai vu des projections pour ce qui concerne le PIB, mais ça... Il y a 9 millions... Les projections, c'est-à-dire qu'il y a déjà 9 millions de gens au chômage en plus que d'habitude. Alors, chômage partiel en France, ouais. Chômage partiel, 9 partiel, millions. Ouais, t'es à 8, ouais, c'est passé à 9. Voilà. C'est-à-dire que les boîtes commencent à... Même celles qui parvenaient à rester ouvertes, donc on était à 8 millions pendant un petit moment, là on est à 9. Ouais. Je pense qu'on arrivera à 10 d'ici le 11 mai. Oui, sans grande difficulté. Il y a quand même eu des premières, on va dire, évaluations de l'ampleur de la catastrophe par secteur. Je reviens souvent sur ce secteur-là parce que c'est celui qui est finalement le plus facile à circonscrire et où les professionnels s'expriment le plus franchement sur leurs conditions. C'est l'hôtellerie de restauration, donc, et on est sur des évaluations qui fluctuent entre 30 et 40% de faillite potentielle. Alors, on est dans l'hypothétique, on ne sait pas si ça va effectivement être le chiffre final, mais on serait sur 2020, sur l'année 2020, on serait sur possiblement 30% de faillite, voire 40%. Là aussi, il faut préciser quelque chose, quelques petites choses. Ça va dépendre, il faut pratiquement voir ça par ville, par secteur géographique, parce que vous avez des endroits qui ne sont pas du tout touristiques. Donc pour eux, finalement, l'hôtellerie-restauration, c'est pas une grosse industrie locale, c'est pas très important ou modérément important, alors qu'en revanche, il y a d'autres régions où c'est absolument crucial. Entre les hôtels, les restaurants, l'événementiel, etc., enfin, c'est absolument central dans l'activité économique. Ça, c'est des gens, ils vont être impactés bien au-delà des chiffres qu'on nous présente, qui sont des chiffres globaux, quoi. Donc là, on est déjà face à un désastre absolu. Ça me stupéfie vraiment de voir que le gouvernement n'en parle pas. C'est-à-dire que le gouvernement dit on fait ci, on aide là, etc., mais il ne communique pas sur l'ampleur de la catastrophe économique. Je sais pourquoi il ne le fait pas, hein, mais c'est comme si ça n'existait pas. Il y a une espèce de... Là, il y a la situation sanitaire, etc. Bon, ça, on a souvent parlé, mais sur la situation économique, on a des gens qui vraiment la mettent en sourdine, essayent de se donner le beau rôle en disant « Mais vous en faites pas, on aligne du pognon, etc. Ça va bien se passer, c'est pas si grave, etc. » Bon. Moi, je suis quand même beaucoup plus pessimiste sur la suite des événements. Il va y avoir quand même beaucoup de casse. Trop, d'ailleurs. Parce que je ne crois pas que l'État pourra se cacher derrière son petit doigt en disant « Ah bah oui, mais vous savez, ça peut arriver. » C'est-à-dire que on peut encaisser 5% de faillite, 10% de faillite. Je ne crois pas qu'on puisse encaisser sur des industries entières du 30% de faillite en 6 mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens vont les gens vont se mettre en colère, quoi. Je veux dire, ça me paraît pas possible. Et je pense que c'est d'autant plus grave que ce confinement est imbécile, et qu'il est intégralement politique. Pour le coup, les politiciens pourront pas se cacher en disant « c'est pas nous, vous comprenez, c'est une décision purement politique, administrative, qui est relayée par les préfets, donc voilà. » Qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Alors, à la fois sur le courrier de notre auditeur qui est inquiet, bon, bien sûr, je le comprends, j'espère qu'il gardera le moral quand même. Qu'est-ce que vous voulez soit lui dire, donc, ou alors plus généralement sur la situation économique qui s'annonce? Alors généralement, sur le point de vue économique, faudrait quand même que les gens qui jubilent de la situation actuelle relativisent un peu. Oui, je suis content, je suis chez moi, je fous rien, je suis payé par l'État et j'ai des sous. Ouais, super. Si vous pensez ça, sachez que vous allez payer, hein. C'est pas gratuit, vous allez payer peut-être plus tard, sûrement par la dette ou même après le déconfinement. C'est juste, c'est un report, quoi. Et ça va être un report puissance 1000, hein. Vous allez voir, les intérêts, ça va être costaud, là, parce qu'il va falloir rattraper la casse. Donc, c'est pas gratuit et en plus, vous perdez du fric, hein. Il n'y a absolument aucune raison de se réjouir. Oui, le coup, je crois, c'est Edouard Philippe qui a dit ça, je crois, donc c'est une source évidemment très autorisée. Le chômage partiel jusqu'à la fin du confinement au 11 mai, prétendument, ça ira peut-être plus loin, mais enfin, déjà, c'est 20 milliards d'euros. Donc, 20 milliards... quand on voit que parfois il y a des débats politiques sur un peu caricaturaux avec Marine Le Pen qui dit bon, pas d'AME, oui, d'accord, peut-être il faudrait supprimer l'AME, donc l'aide pour les clandestins, ça se discute, mais ça fait 1 milliard, je crois, donc là on est déjà à 20 fois plus. Donc bon, ça plus après, effectivement, alors il y a des entreprises qui se disent ne feraient pas faillite parce qu'ils auraient le droit à des prêts à taux intéressants ou gratuits. Bon, très bien. Mais tout ça, il va falloir se rembourser, rembourser, et puis il va falloir retrouver des clients, hein, ce qui évidemment ne sera pas forcément facile. Il y a plein de choses qu'on pourrait développer après, parce que, alors, un gars qui fait des vidéos là sur l'épargne, là, Richard Détente, là sur la chaîne Grand Angle, là où il interviewe parfois Charles Gave. Bon, là, c'était un truc qu'il a expliqué lui-même. Il disait bon, mais si jamais on donne accès gratuitement à des prêts, enfin des prêts à taux zéro, finalement, il y a des entreprises qui étaient déjà très fragiles parce qu'elles auraient déjà dû couler depuis longtemps. Elles ont pu se maintenir en vie parce qu'elles ont eu des passe-droits ou parce qu'elles ont eu des taux d'intérêt faibles par le passé, etc., voire négatifs, comme on dit. Bah justement, là, si en fait l'État empêche la faillite ou la retarde, ça peut finalement conduire un chef d'entreprise un petit peu malin, mais ça va concerner plutôt les gros poissons, finalement à prendre des décisions qui vont l'arranger lui personnellement ou les gens autour de lui, mais qui vont faire en sorte de couler la boîte. C'est-à-dire qu'il va faire volontairement des conneries pour volontairement toucher du pognon et se Oui, subventionner d'une certaine manière. tu veux dire que des entreprises qui étaient déjà plus ou moins condamnées à la faillite vont sauter sur l'aubaine pour faire passer leur faillite sous le truc du coronavirus et essayer un petit peu de s'en sortir comme ça, quoi. C'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ce qu'on dit. J'ai pas prononcé le mot, pardon. Il faut que je prononce. C'est ce qu'on appelle les entreprises zombies en matière économique, des entreprises qui auraient déjà dû faire faillite et qui là vont plus, non seulement n'ont pas encore fait déjà vis-à-vis des taux d'intérêt négatifs, et qui en plus vont se faire encore une nouvelle jeunesse ou se faire du pognon grâce à Oui, ça. puis prendre l'argent qui aurait été qui aurait pu légitimement aider d'autres entreprises qui le méritent. Oui. Tu as exactement l'inverse aussi, hein. Mais plus au niveau des TPE. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Alexis. Mais tu as des entreprises qui en fait ont eu une mauvaise passe en début d'année, qui auraient pu remonter la pente. Bah, typiquement des secteurs de restauration qui marchent quand même globalement plus en été qu'en hiver. Et vu que les éventuels prêts ou garanties de prêts sont soumis à conditions, bah si ton bilan comptable sur les premiers mois de l'année était mauvais, tu n'as pas droit à ces aides. Alors moi, c'est ce que j'entends autour de moi, c'est ça en fait, hein. C'est que les entreprises qui demandent des aides de l'État, bah, n'en bénéficient pas toujours, voire même très peu souvent. Oui, Et c'est puis, ce qui se il faut passe. déjà être établi. Oui, puis ce qui se passe aussi, c'est que comment dire, enfin, faut se mettre aussi à la place d'un entrepreneur. C'est que là, en fait, le moyen pour faire en sorte que ta boîte ne fasse pas faillite, c'est de sortir de la trésorerie. Et ça va très vite, une boîte, hein, même une petite boîte, hein. Je veux dire, sortir 20-30 000 euros par mois alors que l'économie est totalement, totalement atone. Bah, c'est de la trésorerie que tu ne reverras jamais. Et quelque part, tu te dis, bah, si je dois sortir, si cette connerie me coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, bah, peut-être qu'il faudrait mieux faire faillite. Non, carrément. Donc c'est très complexe cette histoire, hein. Mais ce qui est certain, c'est que ce gouvernement est d'une nullité, une incurie abyssale. Abyssale. Je ne sais pas si les gens arrivent à se rendre compte Je pense que quand même, oui. De ce qui se passe, mais enfin, on a des projections autour de 6 ou 10% de baisse du PIB. Et si tu veux, enfin, déjà, ils n'en savent rien en fait. Parce que le problème, c'est que si déjà, jamais dans l'histoire de l'humanité, tu as une aussi faible part de la valeur ajoutée du PIB qui part dans comment dire, dans les besoins du quotidien, dans la bouffe. Ça n'est jamais arrivé, tu vois. La bouffe ne représente rien en termes de PIB. Alors, Oui, je parle l'alimentaire, les besoins alimentaires, exactement. Et c'est ce qui a globalement permis de développer le reste, hein. Le fait qu'on peut manger pour quasiment trois fois rien, bah, ça permet de développer le reste. Donc, moi, je pense qu'ils en savent rien. J'ai vu que l'Angleterre partait plutôt sur 13-14% de baisse de croissance. ouais. Parce que eux, ils donnent les vrais chiffres. Ouais, c'est ça. Enfin, ils sont Peut-être. peut-être C'est un peu énorme, plus hein. pragmatiques. Et même eux, je pense qu'ils en savent rien. Parce que je veux dire, l'économie est tellement. Enfin, les économies sont tellement interpénétrées Ah qu'il oui. suffit que Oui, que une entreprise. Quelque part dans le monde, en fait, n'arrive pas à produire tel produit qui est indispensable à la production d'autres produits, et tu peux comme ça prolonger la chaîne, que enfin Ouais, les impacts si sont effectivement une réaction en impossibles chaîne, à ça peut être très, prévoir. très rigolo. Ouais. Oui, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une. Je crois que c'est pendant le tsunami, il y a une entreprise qui fabriquait une petite pièce qui allait sur le disque dur. Et il se trouve que cette petite pièce était fabriquée dans deux ou trois usines dans le monde. Ben, il y a une hausse du prix des disques durs pendant, je crois, plusieurs mois. Donc ça, en fait, c'est ce qui va se passer, mais puissance 1000. Et la France qui n'arrive pas à produire des masques ou des tests de dépistage de façon suffisante, bah ça, en fait, c'est que la face émergée de l'iceberg. La face immergée, ça va être des millions d'entreprises, enfin des millions, des milliers d'entreprises dans le monde qui vont plus pouvoir produire tel ou tel produit, qui ont l'air de rien, qui ont l'air totalement anodins et accessoires, mais qui en fait sont indispensables pour le fonctionnement de l'économie mondiale. Et moi, je vois des gens qui se réjouissent, que ce soit les souverainistes ou les milieux de gauche, ils disent oui, on va produire local. Oui, c'est Oui. bien, on va pouvoir combler le chômage. Attendez-vous à une inflation assez rigolote. Oui, bah, pas Donc, forcément. il nous Pas propose le modèle forcément. albanais. Donc, Ouais, ouais. alors production locale et disque dur en France, je doute, hein, excusez-moi. Pas forcément, mais pour le problème, si tu veux, c'est surtout que tu produis pas comme ça en claquant des doigts. Moi, une fois, j'avais entendu Mélenchon sur un débat avec Sapir. Pour lui, les techniciens sont des magiciens. Hein. Les ingénieurs, les techniciens sont des magiciens. Ils claquent des doigts, ils multiplient les petits pains. Ça, je pense que, enfin, c'est vraiment propre à la gauche de penser que tu peux produire comme ça. Non, non. Quand tu as des impératifs de production, ça se passe pas si bien que ça. Alors, d'un côté, c'est une bonne chose, parce que dans une économie qui est soumise à des impératifs de production, bah, le droit des LGBT, tu t'en fous un peu, quoi. Ça devient secondaire. Donc, ça, c'est Effectivement. peut-être le bon côté des choses, mais s'il va falloir mettre les gens en turbin pour fabriquer des produits de première nécessité enfin, juste faire travailler les gens dans des usines, rien que ça, si tu veux, je suis pas persuadé que les Français vont bien le vouloir. Toi? Peut-être deux, trois bobos qui vont dire, bon, c'est bien, je vais aller cueillir les abricots dans le Roussillon, pourquoi pas, ça me fera des vacances. Mais bon. J'ai des doutes, hein. Oui, moi j'ai des doutes aussi. J'ai beaucoup de C'est-à-dire doutes. que dans l'émission, il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, on se réjouissait que l'un des côtés positifs du virus, c'est qu'au moins les gens allaient redécouvrir des choses simples et peut-être un peu plus de résilience en mode survivaliste. Et voilà, on se rend compte que finalement, la résilience actuelle, c'est juste des gens qui restent plutôt chez eux et puis ils regardent Hanouna, quoi. Donc ça, c'est pas vraiment du survivalisme, hein, excusez-moi. Non, il regarde moins Hanouna, il faut le dire quand même. Hanouna connaît des pertes d'audience malgré. Mais je Ah non, crois mais pas que non, c'est bon à prendre, mais je suis c'est pas pas à sûr. prendre, hein, quand même. Non, mais il regarde autre Je chose à la place, quoi. ouais, Il s'abrutisse voilà, devant d'autres conneries. tout à fait. C'est C'est quand même bon malheureusement, à prendre. c'est. C'est C'est bon à mort. prendre. C'est bon à prendre, je crois. Moi, à chaque Comme fois tout qu'un sur les juif, joueurs, quand même, d'une à chaque petite. fois qu'un juif est mécontent, sachez que moi je souris. Voilà, ça me fait Oui, plaisir. non, mais écoute, dans une période où tous les gens sont devant la télé et que Hanouna est des pertes d'audience, excuse-moi, c'est quand même. Et Ruquier, C'est à il n'aura plus noter. son émission d'ailleurs. Il va arrêter Je son crois que émission de merde. c'était plus ou moins programmé. Non, c'était prévu. Hein. Ouais. Mais comment dire. Non, mais les gens qui sont chez eux, là. Enfin, Bon, parce que déjà, tout le monde n'appréhende pas le problème de la même façon, déjà, ne serait-ce que par l'âge. Donc, il y a un vrai fossé. Je pense que cette affaire va creuser, mais puissamment, le fossé générationnel, qui était déjà. On sentait. Nous, on en parle souvent. Et quelque part, on a été un petit peu pionnier. Je le pense sincèrement parce que c'était une question qui n'était jamais abordée. La question des boomers, etc. C'était pratiquement jamais abordé Ah, il y a encore c'est 2 ans. nous qui avons apporté la question en France. Hein. Ça a été repris ailleurs dans des médias un petit peu moins clivants que le nôtre, mais c'est nous qui avons amené la chose en tout Ouais, cas personne n'en en France. parlait, ou alors peut-être ici ou là, je veux dire de Ah, c'est très nous, c'est marginal, mais nous. voilà. Et maintenant, bon, c'est une question qui est quand même un petit peu abordée ici ou là, mais maintenant ça va prendre, comment dirais-je, beaucoup plus d'ampleur, parce que je pense que comment dirais-je, l'attitude face à ce confinement et aux conséquences du confinement vont grandement varier en fonction de l'âge. Si on a 65 ans et plus, évidemment, on est inquiet pour sa santé parce qu'on sait qu'on est dans la zone à risque en quelque sorte. Bon, c'est parfaitement humain, c'est compréhensible, je comprends ce type de réflexe. Mais chez les jeunes, évidemment, le réflexe est inverse. Ils disent bah, pourquoi on me. Alors, évidemment, au départ, surtout dans le salariat, je pense, quand on est dans une grande boîte, pas une petite boîte, mais une grande boîte, on se dit bon, finalement, parce que ce type de salariat, c'est pratiquement des parafonctionnaires. Des boîtes sont tellement grandes. ils ont beaucoup de garanties sur leur emploi, donc ils sont pas trop inquiets. Mais il y a beaucoup de gens qui sont des employés de petites entreprises qui sont à mon avis inquiets et qui vont commencer à sentir que ben, l'avenir il est pas rose, quoi, que c'est pas juste prendre des congés payés pendant 4 semaines. Que les conséquences sont beaucoup plus graves que ça, mais l'écrasante majorité de la masse pendant les 3 premières semaines, on va dire, n'a pas du tout intégré cette dimension-là. Moi, je pense qu'ici, dans l'émission, on l'a dit très tôt. On a dit très tôt que le vrai problème était économique et il n'était pas du tout sanitaire. Je me rappelle aussi, je pense que, au vu de certaines réactions, on passait un peu pour des uluberlus. Maintenant, les choses commencent à se clarifier. Et je crois qu'il va y avoir, à mon sens, mais je ne sais pas, hein, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de demandes de la part des actifs et des entrepreneurs de reprendre très vite l'activité, et qu'à contrario, les vieux vont dire « attendez, pas si vite ». Et les fonctionnaires aussi, parce que, donc j'ai parlé du clivage générationnel, il y a aussi le clivage statutaire, presque envie de dire. Alors je ne vais pas dire tous les fonctionnaires, mais surtout les fonctionnaires de l'éducation nationale. Et la question de la reprise des cours pour les jeunes, pour les élèves, quoi, pour les jeunes élèves, me paraît exemplifier parfaitement cette situation. C'est-à-dire que, déjà parce que l'éducation nationale, c'est pas un secteur productif, à mon sens. Ça devrait l'être, hein, pour la formation des gens, etc., mais je pense que c'est, y a énormément de gaspillage d'énergie et d'argent dans ce truc. Ce sont des gens qui se voient très bien reprendre en septembre. Ils n'ont pas d'obligation, je veux dire, comme l'ont les gens dans le privé, etc. Bon, eux, ils disent, voilà, moi, je suis payé par l'État, etc. Ma santé passe avant. Bon. Et ils ont un levier quand même très puissant entre les mains, qui est symbolique, qui est la santé des enfants. Et on sait très bien que les gosses sont très très peu affectés, en fait, par le Covid, hein, pratiquement jamais. Donc. Mais ils vont dire, attendez, on ne peut pas faire reprendre les gosses comme ça, c'est pas possible, jamais le 11 mai, etc. Et ça, ça va impacter grandement le secteur privé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent reprendre le boulot, mais qui ont un problème, c'est qu'ils ont des enfants en bas âge, sur les bras. Et que pour reprendre le boulot, bah, il faut au moins qu'il y ait des crèches qui fonctionnent, ou l'école maternelle, voilà. Mais il faut que quelqu'un s'occupe des gosses, quoi. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grand-mère pour être là, ou une belle-maman, enfin vous voyez, quoi. Et là, je pense que va y avoir un clash avec justement cette éducation nationale, qui pour moi, à mon sens, hein, va refuser tout net de reprendre le boulot le 11 mai. Bon, peut-être que je me trompe, mais... Oui. En s'appuyant sur un des arguments relayés par Macron, mais qui émane des, soi-disant des milieux scientifiques, c'est de dire qu'il y a des porteurs sains, il y a des gens qui ne se sentent pas malades, mais qui sont quand même positifs au Covid, donc ils n'en mourront pas, mais qui vont transmettre aux autres. Alors moi, je n'ai pas tous les moyens pour vérifier si c'est vrai, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de blabla autour de ça, mais il y a peut-être une part de vérité, je ne sais pas. Mais parce qu'un mec comme Mélenchon, il avait dit au départ, il avait été un des premiers à dire déconfinement. Je pense que c'était un des premiers politiciens, en tout cas, à dire qu'il fallait planifier le déconfinement il y a déjà 2-3 semaines. Ça m'a étonné. Et là, il a dit que si jamais il était en âge d'avoir, s'il avait un enfant qui était en âge d'aller en primaire ou n'importe, qu'il ne l'enverrait pas le 11 mai parce que le 11 mai c'était trop tôt par rapport à. Donc lui-même a changé complètement d'avis. Oui, j'avais relevé comme toi l'appel de Mélenchon à déconfiner. J'avais trouvé ça audacieux et bien senti, pour une fois. Mais il plaçait sa rhétorique sous l'angle des libertés publiques. Oui, et puis il est dans un rôle d'opposant politique, opposant à tout prix. Il va absolument mettre le pouvoir dans l'embarras. Donc, mais je pense qu'il s'est fait blanc, il veut dire noir. Je pense qu'il s'est fait rattraper par cet énorme lobby qu'on trouve à gauche, qui est les profs, que sont les profs, et les mecs ont dit « Non, nous, on reprend jamais le boulot, hors de question, on veut pas mourir. Ouais. » Bon, Mélenchon l'a dit, bon, il a compté ses unités, hein, il a vu 2-3 pimpins, tu vois, intellectuels de gauche. Mon électorat est composé à 70% de profs. Voilà, c'est ça, ouais. Ah bon, bah alors, il dit ça. Ah bon, bah, on va changer un petit peu d'avis. Et voilà. Bah, les profs et les immigrés. Ouais, non, en gros. Les immigrés votent Macron. C'en est en plus, Mélenchon, je crois que ça. D'immigrés, oui, je confirme. Il a une formation d'enseignant, mais je crois qu'il n'a jamais enseigné. Oui, en lycée technique, je crois qu'il était enseignant à l'origine, mais il a pas très longtemps exercé dans ce domaine-là. Bah, il a pas très longtemps travaillé, en général. Il est devenu apparatchik socialiste, sénateur, etc. Sénateur, vous connaissez tout ça. Hein. Mais... C'est bizarre quand même, tous ces socialistes qui savent pas trop à quoi ressemble une fiche de paix. C'est bizarre. sénateur socialiste. Il n'y a pas que les socialistes, cher Pierrot, il n'y a pas que les socialistes qui ne connaissent pas la fiche de paix. On a aussi à l'extrême droite, enfin, ce qui ressort à l'extrême droite, en tout cas. Alors, messieurs, toujours sur le domaine économique, bon, voilà, sur l'hôtellerie-restauration, donc c'était 30-40% qui était anticipé. Chômage partiel aujourd'hui situé à 9 millions, bon, c'est du partiel, hein, voilà. On a des prévisions de baisse du PIB qui me semblent très optimistes, honnêtement, parce qu'à chaque fois, c'est comme ça, ils font des prévisions, ils minorent volontairement, en fait, la baisse, pour ne pas casser la confiance, en fait. Mais ils font des révisions a posteriori pour dire, bah oui, en fait, on révise à temps, vous voyez, quand ça devient inéluctable. Bon. Mais officiellement, zone euro, moi, de ce que j'ai vu, hein, puis ça vient pas, je veux dire, de sites complotistes. Hein. Là, je vous parle de prévisions qui viennent de la JP Morgan, qui viennent de Goldman Sachs, enfin, les grandes institutions financières américaines, qui, si vous voulez, là-dessus, bullshit pas trop. Hein. C'est pas de la licence poétique, là. Hein. Ils s'expriment quand même sur une base chiffrée, bon, qui peut être revue, mais chiffrée. Et pour la zone euro, on était quand même sur du moins 10. Hein. Moins 10% sur la zone euro. Donc, zone euro, ça fait 19 pays, quoi. Alors, pour la France, j'ai vu que la France était on prévoyait pour la France, enfin, ces institutions prévoyaient plutôt une situation plus marquée, par exemple, en Allemagne qu'en France. C'est-à-dire mais qui peut se comprendre, parce que l'Allemagne exporte beaucoup. Donc, voilà. Donc je ne sais pas ce qui va en être, mais ce qui semble acquis pour la France, c'est du 7,5% de contraction. Ça me semble très optimiste. Oui. Mais oui. C'est personnel, je ne sais pas. Je ne suis pas non plus un économiste, mais ça me semble quand même très optimiste. Je verrais beaucoup plus du 10, en fait, en réalité, mais bon. Bah, d'autant qu'il y a le calcul du PIB public, donc qui est basé sur la dépense et le fait de payer les fonctionnaires, et le PIB, donc les revenus générés par le secteur privé. Et par exemple, il y a le tourisme, donc qui est, je crois, un quart de ce secteur du PIB privé, et donc qui va diminuer énormément, puisque forcément, par la force des choses, il y aura très peu de touristes cette année en France. Donc là, non seulement emplois qui sont menacés, oui. mais des emplois productifs dans le secteur privé, puisque on peut débattre si les fonctionnaires sont productifs ou pas, mais il n'empêche qu'ils ne produisent rien qui va être destiné, par exemple, à l'exportation. Donc ils vont être salariés par définition, d'une manière indirecte, par les entreprises privées. J'ai aussi une autre remarque, c'est que... Oui, je t'en prie. Bah, juste pour dire ce que tu disais, tu parlais des touristes, alors j'ai vu que les prévisions... C'est des prévisions, hein, donc là aussi, c'est pas gravé dans le marbre, mais ils attendaient cet été, c'était pour l'été, 16 millions à l'origine, 16 millions de touristes étrangers, donc qui ne viendront pas, mais un des moyens de compenser, c'est notamment d'interdire les voyages aux Français à l'extérieur de la France pour l'été 2020, donc de forcer les Français à prendre leurs vacances en France, tout simplement. Oui. Et ça ferait 9 millions de gens qui pourraient être éligibles à des vacances cet été. Attention, c'est théorique, je ne sais pas combien il y en aura vraiment, j'en sais rien, mais voilà, c'est théorique. Mais il y a quand même un déficit de 7 millions de touristes sur l'été 2020. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est colossal, c'est énorme. Non, donc là, la majorité quand même des touristes, je crois qu'il y a 110 millions de touristes français... parce qu'ils vont plusieurs fois, bon, la grosse majorité, c'est des Français. Mais quand même, je tiens à dire peut-être à nos auditeurs qui sont d'un certain âge ou certains qui auraient dans leur famille des gens qui voudraient, qui auraient des boomers qui voudraient venir dans les zones touristiques, qui risqueraient quand même... d'être très mal accueilli. Je crois pas, parce que en fait, ils vont être accueillis comme des gens qui dépensent de l'argent et ils vont être très bien accueillis. Ça, je peux te le dire. Oui, mais il pourrait y avoir des extrémistes un petit peu partout. Bah, ça va dépendre, mais je veux dire, là, les gens vont toutes ces entreprises, enfin pas les entreprises, parce qu'après, bon, là, je parle hôtellerie, restauration, services, c'est ça, qui sont concernés par ce type de, enfin, les emplois vraiment saisonniers sur le tourisme. Ces gens-là, ils vont être désespérés, ils vont courir désespérément après des clients. Hein, ah oui, non, mais tout à fait, ceux-là. Mais bon, enfin, le virus là, On ne sait pas vraiment s'il va disparaître avec la chaleur. Non, on n'en sait rien. On ne sait rien. Si on arrête le confinement là, le 11 mai, ce qui va se passer, c'est qu'il va reprendre hein, le virus. Parce qu'il y aura, il y aura toujours une bonne, au moins une bonne. Allez, vraiment, je suis Est-ce très, que très tu est-ce, optimiste. Oh, est-ce que tu peux oui. préciser ce dont on a parlé un peu avant l'émission, parce que tu disais voilà Oui. les vieux avaient demandé enfin il est Oui. resté voilà et c'est lié à ce que tu viens de Alors, dire. c'est quand c'est lundi, Emmanuel Macron a fait un discours pour dire qu'il y aurait un déconfinement donc à partir du 11 mai. Donc après les ports hein, habituels du 1er du 8 mai. Le 11 mai, on aurait un déconfinement et que les personnes fragiles, donc les vieux en l'occurrence, eux ne seraient pas concernés par ce déconfinement. Ils resteraient ils seraient obligés de rester chez eux. Au cours de cette semaine, on a eu lobby, des pressions de toutes parts, dans tous les médias. On dit oui, non, mais quand même, oui, non, mais c'est. Discrimination, quoi. L'unicité, la République doit être égale envers tous, etc., etc. Donc, les vieux qui sont les votants, ce sont eux qui sont déterminants dans les élections. Hein. Ils sont pendant encore au moins 10 ans, si les choses restent telles qu'elles sont, c'est eux qui vont définir la direction du pays. Alors, Donc, non, je tiens quand et... même à noircir un peu le tableau. Oui. Juste comme ça, en passant, c'est... Non, c'est pas que sur les 10 ans, c'est sur les 50 ans à venir, les vieux vont jouer de plus en plus, vont peser de plus en plus sur les Ouais, élections peut-être pour une pas raison... 50 ans. Ah si, si, c'est 50 ans, il y aura terrible. peut-être C'était... Boko Haram, ça va peut-être arriver Oui, entre-temps, non, quoi, voilà, tu vois. voilà, il va se Non, mais passer des voilà, bien choses. sûr. Mais je veux dire, théoriquement, si tu veux, sur les décennies qui viennent, plus le temps va passer, plus les vieillards Kakoshim vont peser de tout leur poids lors des élections. Et Oui, donc, par la non, mais. force des choses, vont imposer leur volonté aux autres. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais surtout, en tout cas, surtout dans la décennie qui arrive, et donc là, on est en plein dedans pour le coup, et donc, ils ont, enfin, ces gens ont décidé que non, le 11 mai, eux aussi devraient sortir parce que ils ont envie d'aller à la Baule, ils ont envie d'aller. Au bassin d'Arcachon, ils ont envie d'aller sur la côte d'Azur pour profiter du soleil. Et donc, voilà, ils veulent profiter de la vie, puisque De la vie, ils l'ont bien mérité ils l'ont après bien tout. mérité, ils l'ont bien Ils l'ont mérité. bien mérité, ils ont Attends, cotisé. c'est certain ça, c'est pas certain du tout. Qu'est-ce qui est pas Ah, certain? si, si, si, Non mais si, si, le si, si. déconfinement, il va durer juste. La saison est foutue, les gars. La Ah oui, saison non, est ça totalement oui, foutue. non, mais Ah non, mais attends, attends, attends, attends. c'est deux choses Je ça. te parle de ce qui s'est passé cette semaine. Donc, Macron a dit le déconfinement aura lieu à partir du 11, avec les vieux, donc les fragiles, genre les diabétiques, etc., qui vont rester chez eux. Mais donc les vieux, pendant toute cette semaine, ont chialé. Cette complainte a été répercutée dans les médias du système, hein, donc tous les médias. Chaînes publiques, chaînes d'infos qui font des scores des scores soviétiques au niveau des audiences en ce moment. Hein. Tout le monde suit ça. Donc c'est suivi. C'est tenu par cette génération-là. Ces gens-là veulent sortir. Et ils ne comprennent pas que les jeunes puissent, enfin les jeunes, les populations actives puissent ne plus être contraintes et que eux le soient. Donc ce qui va se passer, très simplement le 11 mai, c'est très probablement que tout le monde va sortir, parce que Macron a déjà dit qu'on ne fera pas de discrimination en fonction de l'âge, et que ça va recommencer. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, on se rend compte, tiens, le truc, ça, on était à, y a plus de Oui, cas, voilà. quasiment Il y a, plus. y a des vieux qui vont, voilà, qui vont. Et comme il y en a une centaine, il y aura toujours au moins un bon millier de personnes qui sont contaminées en France, qui vont se balader partout, aller dans des bars, rôter leur bière dans n'importe quel troquet, etc. Eh bien, la chose va recommencer. Hein, et donc, on va recommencer le confinement. Et c'est là que les choses vont commencer à être particulièrement rigolotes. Voilà, c'est là que ça va être marrant. Moi, je veux quand même rajouter une petite touche de solennité dans ce que tu as dit. Il y a un parlementaire français, je crois qu'il venait des Républicains, qui s'est exprimé récemment dans l'hémicycle et qui a fait la comparaison entre le sort actuellement des boomers et celui... Enfin, tu veux dire des anciens, de notre bibliothèque, de nos bibliothèques vivantes. Et, tout à fait. Et entre le sort donc des anciens actuellement confinés et sur lesquels donc Macron aurait eu la tentation de s'acharner avant de se raviser, comme tu viens d'expliquer, et le sort des vieillards juifs sous l'occupation. Ouais. Bah oui, nous, bah quoi. Nous sommes toutes, tous et toutes des petites Anne Frank, effectivement. Alors je précise que ça n'a pas du tout plu. Aux détenteurs des droits, hein, des royalties. Des droits, alors, ils ont droit. Il y a eu une très vive colère de la part du CRIF et de ses pseudopodes, et je pense que le message a été entendu haut et clair chez les Républicains. Je pense que c'est... Blasphème. Blasphème. Mais, pour ne mélangeons pas les torchons et les serviettes, quand même, s'il vous plaît. Pour remettre un petit peu de calme dans tout ça, si nous avions voulu qu'il y ait moins de morts, parce que ce n'est pas forcément une idée, c'est pas forcément un choix opportun. Mais bon, si on avait voulu, il aurait fallu confiner, comme je l'ai dit la semaine dernière, les vieux. Oui, les personnes à risque, quoi. Les personnes à risque. Les diabétiques, qui sont au niveau de la sécurité sociale, ils sont déclarés comme étant diabétiques, puisqu'ils sont remboursés à 100% surtout. Donc tu confines les vieux et les diabétiques. Au niveau de la. Oui, non, mais c'est ce qu'il fallait faire dès l'origine, tout à fait. Tu n'as rien. Là, on a vu, là, il y a le Charles de Gaulle, là, les types sont contaminés donc depuis mi-mars, apparemment. Hein. Il y a des types qui sont des actifs, en bonne santé. Bien quand même, les types, ils voient pas trop le soleil, ils sont dans des... Ils sont enfermés, quoi. Mais sur 1000 mecs qui ont été contaminés, t'as un type qui est en réanimation. Bon, ouais. Voilà. Bah, c'était le chiffre qu'on donnait dans l'émission, c'était ça qu'on disait, c'est-à-dire qu'on était sur du comment on, au niveau de la parce mais que il est pas mort le type c'est même, non bien on sûr est même pas sur un mort il y a pas les, de mort les chiffres sont clairs l'histoire du Charles de Gaulle ça c'est corrobore tout ce qu'on a dit dans l'émission en tout cas ce que j'ai dit dans l'émission bon je sais pas si vous partagiez ce que je disais mais c'était exactement ce que je disais sur la base simplement de toute une série d'études non conformistes mais quand même sérieuses qui contestaient cette espèce de doxa qui s'établissait sur cette question de coronavirus et là Charles de Gaulle c'est vraiment l'expérimentation incontestable incontestée puisqu'elle est sanctionnée par des communiqués officiels du ministère des armées. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, voilà, le Charles de Gaulle, donc il y a à peu près 1700 matelots sur ce navire, et il y a un peu plus de 1000 personnes qui sont contaminées. Bon. On a un résultat de 30 personnes qui ont nécessité hospitalisation, sur plus de 1000, et une personne, comme tu l'as bien dit, qui est en réanimation, et son état n'est pas critique. Donc on n'aura même pas un mort sur le Charles de Gaulle, en dépit du fait que pratiquement les deux tiers des matelots sont contaminés. Alors qu'est-ce que je veux dire ? Bah, ça corrobore les chiffres qu'on avait, c'est-à-dire qu'on est sur des taux de mortalité de 0,1 à 0,3%, voilà. Alors en revanche, sur des publics très âgés, comme dans les EHPAD, il y a un effet de grossissement qui est très trompeur, parce que tout d'un coup, moi je vois des chiffres complètement... Oh mais mon Dieu, c'est l'apocalypse. Bah non, vous avez des gens très âgés, ils ont 85, 90 ans, parfois 95 ans, ils chopent... Bah, ils meurent, oui. Alors, ça n'est pas que sur les personnes âgées, donc aussi non, les il y a aussi les obèses, il y a les gros, les obèses, les tabagiques, les diabétiques, mais pas que. Parce qu'il y a aussi un phénomène tout à fait intéressant et sur lequel nos auditeurs devraient se pencher, c'est les nègres. Allez. Oui, visiblement, les nègres, les juifs aussi d'ailleurs. Oui, bon, les juifs, non, parce qu'eux, ils se sont. Bon, ils en non, ont rien à foutre. Ils ressuscitent les juifs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une surreprésentation dans les cas de contamination dans ces communautés. Quoi. Parce que les juifs n'ont pas arrêté de faire leurs fêtes religieuses, et donc ils ont été plus contaminés. Non, mais c'est pas ça. Non, oui, mais par contre, les nègres. Ils sont sales aussi. Attends, mais tu vas me laisser dire que les juifs. Ils sont... Oui, ils sont sales. Je vais bien l'avouer. Non, mais permets-moi de parler du cœur du problème qui sont les nègres. Les nègres ont un problème dans l'attitude nordique, hein, même si bon, en France, on est un petit peu entre deux, mais quand même. Hein, au plus on va au nord, au plus les nègres ont des problèmes, puisque avec leur peau foncée, ils ont du mal à synthétiser la vitamine D. La vitamine D, c'est tu as le soleil qui te tape sur la peau, avec le gras qui est dans ton sang, en gros, ça te fait de la vitamine qui va entretenir tout ton système immunitaire et tes, comment dire, les veines, le système cardiovasculaire. Ouais. Tu vas bien marcher. Donc là en Suède, par exemple, en Suède, tu as une surmortalité absolument exceptionnelle. Ouais. Les Somalis qui sont en train de crever. Ouais. Donc c'est pour ça que plus que les autres, hein, par rapport aux gens normaux, hein, enfin aux humains en fait. Hein, aux êtres humains. Ils crèvent. Ouais, aux êtres humains. Pareil aux États-Unis. Il y a l'obésité aussi. Il y a l'obésité, on est d'accord. Mais le fait, les gens marrons. Qui synthétisent beaucoup moins la vitamine D que les blancs quand ils vont au soleil. C'est pour ça que les blancs, tant que vous pouvez, foutez-vous bras nus pour aller faire du footing, sortez au soleil pour faire de la vitamine D. Bouffez du foie de morue, hein, c'est très bon aussi, dans la salade, c'est parfait. Vitamine D. Les nègres sont en carence de vitamine D absolument gigantesque, ils le sont déjà de manière chronique. Mais là, ça leur tombe comme des mouches. Ils tombent comme des mouches. C'est phénoménal. Hein, le coronavirus, c'est bon. C'est la divine surprise du coronavirus, alors. C'est pas la divine surprise. C'est je pense qu'on est le 20 avril, là. Quelqu'un nous envoie un cadeau, un présent. Non, mais voilà, il faut prendre les choses du bon côté. Il faut prendre les choses du bon côté. Mais oui. Bon. Ces gens-là crèvent de manière très massive et il faut s'en féliciter. Ah, je m'en félicite avec toi. Alors, messieurs, je vous propose de passer au courrier suivant, troisième courrier. On remercie. Ah, oui. Je fais un petit truc. J'ai vu une vidéo tout à l'heure qui a été faite en Équateur, le pays. Là-bas. Pour l'instant, il y fait chaud, manifestement. Ils sont tous en t-shirt. Ils tombent comme des mouches à tous les coins de rue. On les ramasse partout, on les fout dans des sacs plastiques assez simples. Apparemment, d'après ce que dit le reportage, il n'y a plus assez de place dans les chambres froides pour entreposer les cadavres. On les met à peu près n'importe où. Et il y en a même qui les abandonnent dans la rue. Bon, ce qui, moi, me fait penser que peut-être que le réchauffement saisonnier dans lequel nous entrons ne va peut-être pas tout régler pour ce qui est du coronavirus. Ça, c'est un. Et pour certaines espèces, comme ça a été signalé il y a quelques minutes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, le réchauffement, c'est pas forcément quelque chose qui va faire, qui va être bénéfique. Enfin, oui, c'est parce que ça. Il y a des cas à Mayotte, si tu veux. Il y a des cas de coronavirus à Mayotte, par exemple. Il y en a à Réunion, etc. Donc, même dans les trucs chauds, il y en a. Donc, est-ce qu'il y en a plus ou moins ouais, je ne sais pas. C'est parce que j'ai vu à plusieurs places dans la presse des gens qui disent, vous savez, ici, avec le réchauffement, cette forme de grippe, disons, saisonnière pour eux, va d'elle-même se résorber avec le réchauffement de la température. Ouais, je crois que le virus, il faut 60 degrés pour qu'il crève. Ouais, non, crève. 60 degrés, c'est quand même bon. Ouais, au soleil direct en été, ça il canne. Mais à l'ombre, il canne pas. Quoi. D'accord. Il faut se mettre dans un sauna pour que le virus. Ouais, c'est ça. Non. Petite remarque sur Charles de Gaulle. Sur le fait qu'en Afrique, il y a aussi du corona, oui, il y a deux membres du gouvernement guinéen qui sont morts. Hein. Enfin bon, ils n'avaient pas l'air particulièrement âgés, mais enfin. Et j'ai une petite remarque sur le Charles de Gaulle. Alors c'est vrai que si le communiqué officiel, si on Bon, ça montre la pertinence de ce qu'on avait déjà dit auparavant, c'est-à-dire que c'est assez peu mortel pour les gens qui sont en bonne santé. Cela dit, si tout le monde est infecté sur le bateau, si ça c'est vrai, ça veut dire que c'est un argument quand même aussi de poids pour continuer le confinement. Ça appuie ah, mais dans totalement, le sens totalement. Du côté hyper contagieux du virus. Quand même non, si, mais... Non, mais je veux dire, si on attend, on attend 3 semaines, il n'y aura plus personne. Enfin, les gens seront immunisés, on remet le bat, enfin, on remet le truc dans un mois, là, c'est pareil, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, on va probablement, on va se taper, c'est même garanti, on va se taper une deuxième ou une troisième vague, ça va remettre du confinement, enfin, ça va être l'horreur, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans la logique du confinement, ça fout la merde. Ça paralyse ton système, je veux dire, c'est bon. Et on mais le confinement ne peut marcher que si tu extermines totalement le virus au bout du confinement. C'est-à-dire que tu vas au bout, oui. Et qu'il y a zéro à la fin, c'est fini. C'est-à-dire que le monde entier se confine, qu'il n'y en a plus, et qu'il n'y en aura plus. Mais vu qu'il y en aura forcément, je pense, au moins une centaine, voire un millier en France qui vont recommencer à croître de manière exponentielle avec plus ou moins de enfin, facteurs plus ou moins importants, et qu'il n'arrivera peut-être de l'extérieur, donc bon, ça sert à rien, quoi. C'est juste reculer pour mieux sauter. C'est reculer pour mieux sauter. D'un coup. Ça tue les vieux que ça, et les diabétiques qui faut que ça tue, et puis voilà, on n'en parle plus. Hein. Bah, c'est au plus vite on sort, au mieux on saura. C'est l'approche suédoise. L'approche suédoise discrédite l'idée de l'efficacité du confinement. Je veux dire, si vous suivez ce qui se passe en Suède, ça démontre que par A plus B, parce qu'ils n'ont pas confiné comme on l'a fait du tout. Hein. Vous pouvez sortir, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez. Voilà, bon, ils ont fermé quelques écoles ici ou là, mais pas toutes, etc. Enfin, bon, bref, c'est vraiment... ils n'ont pas mis en place de confinement. Et vous n'avez pas connu l'hécatombe qui était annoncée. Donc, c'est le cas suédois démontre par A plus B que le confinement est débile. C'est débile. Ça ne sert à rien. En tout cas, appliqué à toute la population, ça ne... Oui, parce qu'effectivement, l'idée de confiner les vieux, pourquoi pas, mais alors, il faut être précis sur le mot confiner, sur ce que ça veut dire. Parce que si on vous dit... Comme on a dit en France depuis le début, on nous a dit qu'on avait, et c'est vrai qu'on a une grande restriction de nos libertés. Mais il y a une restriction qui ne s'applique pas, c'est avec qui on se confine. C'est-à-dire qu'on peut être avec ses frères et sœurs, on peut être avec ses enfants, on peut être avec ses grands-parents, on peut être avec ceci, cela. Mais si on disait, par exemple, à des gens de 70-75 ans qui sont en faible santé, de dire, vous êtes confinés là, par contre, il faut intervenir sur le fait qu'ils soient vraiment seuls. Et ça implique une logistique, ça implique peut-être de leur livrer à manger, etc. Mais si vous êtes, si vous avez une famille, si vous avez deux enfants, vous avez une femme, et vous habitez, je sais pas, il y a peut-être votre frère qui est là aussi, je sais pas, vous êtes cinq, bon. Mais que vous allez au supermarché une fois de temps en temps, et si le virus est aussi contagieux que ce qu'on dit, il suffirait qu'un des cinq prenne le virus, et puis donc le contamine à tout le monde. Et là, déjà, on a une multiplication par cinq du nombre de contagions. Donc, il faudrait être très très précis sur ce que ça veut dire, avec qui en particulier être confiné. Bah oui, mais bon. Maintenant qu'ils sont rentrés dans cette logique de confinement, si vous voulez, ça va. On va plus arrêter avec le principe, quoi. Il va revenir sans cesse à la moindre manifestation, comme l'a très bien dit Derek. Ça va à nouveau être déclenché, même partiellement. Et partiellement, ça suffit en réalité pour impacter déjà. Toute la société, donc et puis quand ils disent déconfiner, on se moque des gens parce que le déconfinement, ça aurait été très partiel. On sait, c'est ce qu'avait annoncé Macron. C'est pas certain en fait que ce soit très partiel, comme on dit, avec les boomers qui veulent absolument. Non, mais vacances, ce que je veux dire, c'est certain, que hein. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, on sait que les restaurants sont fermés, les cinémas seront fermés, enfin tous ces lieux-là seront fermés. Donc vous pourrez sortir. Non, c'est pas certain. Ah, si, c'est annoncé. C'est annoncé, c'est très officiel. C'est, les restaurants, etc., peuvent pas ouvrir avant juillet. La date, c'est le 15 juillet. Donc, peut pas y avoir de concerts, peut pas y avoir de restaurants, peut pas y avoir de tous ces lieux qui rassemblent du public à une certaine grande échelle. Il y a Riester qui a dit on pourra éventuellement faire des concerts de toute petite dimension, etc. Bon, bref, enfin, il a fait ça pour un petit peu calmer, je pense, aussi son public à lui. Il n'y a pas des bagnoles à revendre, lui, non? Je sais pas. Mais tout ça pour vous dire que le déconfinement, c'est vrai, les gens, on va dire, là tout le monde va sortir, puisqu'ils ont oublié l'idée de mettre les vieux à la maison. Bon, tout le monde va pouvoir techniquement sortir, mais pour aller faire quoi? il y aura aucun lieu d'ouvert, je veux dire, à caractère, enfin, aucun lieu pour le divertissement ou la détente, etc. L'essentiel sera fermé. On pourrait pas aller, je sais pas, moi, en thalassothérapie ou quoi que ça. Les hôtels, tout ça, c'est fermé jusqu'en juillet. Donc, en fait, oui, ça sera déconfiné, si vous voulez, techniquement. Non, mais ouais, mais t'auras ouais. droit d'aller à plus de 500 mètres de chez toi, c'est quand même bien. Oui, oui, bon, ça, oui, genre, effectivement, effectivement. Mais attends, ça, c'est en théorie. Ouais, moi, je vais aller à la montagne. Hein. Premier truc, je vais à la montagne. Là, mais imagine, oh, au mois de juin, oh, le truc, il reprend, tu sais, enfin, il reprend, mais peut-être pas de manière. Bah si, mais il reprend un peu, on va reconfiner quand même, vous comprenez, hein, Madame Michu, etc. Et puis je dis mois de juin, mais ça se trouve c'est mois de décembre. J'en sais rien, moi, vous voyez, c'est... Alors que dans la méthode suédoise, c'est on part du principe, bon écoutez, ce virus il est là, il circule, il n'y a pas de raison de faire de confinement particulier, et voilà, et on continue alors, comme avant. Et bon, bah ça me semble... Je pense pas que ce soit de ce point-là qu'ils ont... ils ont réfléchi les Suédois, parce que surtout qu'ils ont dit tiens, nous avons beaucoup de Somalie, ça va être compliqué de les obliger à faire quoi que ce soit vu que nous sommes des femelles. Donc, peut-être ou simplement ils sont libertaires. Et je pense pour moi option. Je sais pas, je suis pas convaincu. Je pense qu'ils sont libertaires et qu'ils se sont dit non. Mais il y a plus de morts en Suède par million d'habitants. Par million d'habitants, ils ont plus de morts. Et puis, quand on voit que ça oui, touche que, en particulier les Somaliens, excusez-moi, mais plus de morts en Suède, ben c'est très bien. Bravo. Il faut chez nos nègres. Voilà, il faut. Enfin, bon, moi, j'ai aucune crainte par rapport à ce virus-là. Si tu es plus, il tuerait plus de. Bon, des gens qui ne m'intéressent pas. Hein. tout à fait. Courrier numéro 3, les amis des lecteurs. On remercie notre auditeur précédent pour son message. Bonjour les amis. Je souhaite vous faire part d'une anecdote parfaitement répugnante. Je tiens juste à préciser que les noms utilisés sont modifiés pour garantir l'anonymat. Dans mon travail, c'est une femme qui nous écrit. Je suis confronté indirectement à la vermine qui se promène autour de nous. Pour une discrétion maximale, nous allons dire que je travaille dans le médical, dans l'hôpital public d'une ville devenue très envahie. Mon chef me fait part aujourd'hui d'une inquiétude car il avait un cas d'accident d'exposition au sang. AES, l'acronyme de ce type de problème. Par exemple, là elle cite, par exemple une infirmière qui se pique avec une aiguille contaminée. Donc un AES positif au VIH. Étant inquiet car il n'a jamais eu à traiter ce genre de cas, je lui dis pour le rassurer, c'est sans doute que le patient était déjà positif avant l'AES, c'est très rare de se contaminer avec ses patients. Un peu plus tard, il me donne des nouvelles de ce cas. Il s'agissait de Ben Mouloud Sofiane qui était en fait devenu Ben Mouloud Sofia. Sofiane étant barré sur l'ordonnance et réécrit Sofia au-dessus. Inadmissible dans les règles d'identito-vigilance. Atteint du VIH depuis plusieurs années, elle n'a pas voulu y croire et il ne s'est pas fait soigner. Elle est arrivée aux urgences avec une masse abdominale pendant cette soi-disant crise sanitaire pour se faire soigner. Les tests VIH n'étant pas effectués en routine le week-end, le médecin prescripteur a fait passer ça pour un AES afin qu'il soit traité en urgence. Donc en fait, ça a été un petit bidouillage de la part des docteurs pour le faire passer en urgence. Il aurait fallu attendre 24 heures autrement. Un drame quand il s'agit de sauver un bougnoul trans, infesté donc de cette saloperie. J'ai simplement répondu par un « pauvre France » et m'en suis retourné travailler. Et c'est signé une blouse blanche qui chie à la gueule des connards qui applaudissent à 20h tous les soirs. Bravo. Alors... je tiens à signaler quand même la qualité de nos auditeurs. Des courriers des lecteurs qui nous sont fournis, et particulièrement la qualité des courriers d'auditeurs qui sont des courriers d'auditrices. Et là, une auditrice qui est en blouse blanche qui nous dit de défenestrer les gens qui tapent sur des casseroles sur leur fenêtre. Je suis tout à fait ravi. Je communie. Ouais, voilà, je communie, c'est merveilleux. Et voilà. Très satisfait. Alors, c'est anecdotique, mais ça témoigne quand même de ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un bougnoul trans qui arrive perclus de sida, gonflé, enfin il est vraiment en train de pourrir, quoi, vivant, et parce qu'il a, il a refusé de se faire dépister ou que sais-je, et allez hop, manip administrative quand même pour le faire soigner en urgence, parce que ça serait quand même con, hein, que une espèce de travelot maghrébin canne, hein, à la faveur de cette crise sanitaire. Bon, voilà. Donc, les priorités sont en ordre, ça fait quand même plaisir, moi je suis content, c'est là qu'on se rend compte que la santé publique française nous est enviée par le monde entier, enfin en tout cas par tous les transsexuels du monde entier, ça c'est clair. Tiens, c'est là peut-être très content de payer les impôts. Peut-être une petite question simplement, mais ça m'intéresse, ça me turlupine un petit peu, je veux dire, je pense quand même que le mythe, le prestige de la santé française a pris un gros coup quand même à la faveur de cette affaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Oh non. Nous avons le meilleur système de soins du monde, et le monde entier nous l'envie, il faut le savoir. Alors, le changement de sexe est d'ailleurs subventionné et remboursé à 100%. On n'a pas de masque pour les aides-soignantes, mais par contre, on peut rembourser à 100% le changement de sexe. Oui, bah, c'est-à-dire le coupage de chibre pour les maghrébins ou autres, hein, peu importe. C'est pas, on dit pour les malades mentaux. Pour les malades mentaux qui veulent se faire couper le chibre parce qu'ils pensent être des femmes, c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est quand vous voyez charge sociale sur votre fiche de paye que vous regardez, que ça fait plus de la moitié de votre salaire net que vous recevez, c'est entre autres pour couper la vie des travaux. Parce que, il faudrait illustrer ça. Moi, j'aimerais bien. Il faut, enfin, franchement, le gouvernement français devrait m'embaucher. Moi, je ferais des illustrations, voyez, pour expliquer aux Français comment leur argent est dépensé. Le pourcentage de charge sociale, ouais, ouais. Ça va. Ah, les diabétiques qui bouffent du Nutella, les travelots, les sidaïques en tout genre, les fumeurs, etc. etc. Oui, pas les fumeurs, parce qu'après il y a des fumeurs qui fument un peu. Mais les fumeurs, c'est... pathologistes écoute, ça va. Hein. Non, les fumeurs, pareil. Hein. Tous dans le même sac. Nos auditeurs seront peut-être navrés, mais peut-être tant pis pour vous. Démerdez-vous à rester dessus. Non, je pense qu'il y a... Il y a des gens qui fument 2 paquets de clopes par jour, il y en a qui fument 3 clopes par jour, c'est pas pareil, quand même. Bah, si, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bah, bien sûr, c'est pareil. Non. C'est comme quelqu'un qui boit 2 bouteilles de whisky par jour et un qui boit un verre de rouge, tu vois, c'est la même chose. C'est... Ouais, enfin, je vois pas le problème. Tu prêches pour ta paroisse, soulographe. Bref, qui a quelque chose à dire. Pas mal de problème, c'est français. Vous pouvez faire pousser du tabac dans votre jardin si vous voulez. Bio même. Personne sur les miracles de la santé française, non, pas particulièrement. Bah, non, très content de payer des impôts quand même, hein. Voilà, c'est tout. Oui. Il n'y a pas une histoire, soi-disant, les associations. Indique aux migrants que pour recevoir l'asile politique, il faut être sidaïque. Donc, y a ceux qui ne le savent pas et ceux qui ne l'ont pas, mais peut-être qu'ils se l'inoculent. C'est pas ça. C'est que tu ne peux pas être. Si tu es identifié comme étant originaire d'un pays où le homophobe. Sida est, en gros, où on ne soigne pas bien le sida, etc. Si tu es sidaïque, tu ne peux pas être expulsé vers ton pays. Donc, c'est bon, quoi. Ouais, parce que ça reviendrait à te condamner à mort ou je sais pas quoi. Oui, ça reviendrait à ce que te condamner à mort parce que tu ne serais pas bien traité selon les droits de l'homme qui ont été définis dans la loge, etc. etc. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, donc tu as des violeurs nègres, nigérians en Angleterre, par exemple, qui ne sont pas expulsés. Parce que il faut les sauver du non-traitement, du mauvais traitement par rapport au sida qu'ils auraient. Oui, il faut les sauver de leur pays de merde, en gros, hein, c'est ça. Hein. Voilà, il faut leur permettre de violer des blancs. Ça aussi, c'est un droit de l'homme, non? C'est un droit, c'est le droit du singe. loge. Alors messieurs, je vous propose de passer à une rubrique numéro 2, autisme radical. Alors je dois dire que aujourd'hui, celui qui nous a régalé de son autisme est quelqu'un d'éminent, vous connaissez tous évidemment, puisque c'est Emmanuel Macron, président de la République en fonction. pas besoin de le présenter, mais qui m'a, moi, personnellement, transporté de joie. J'ai su que je tenais là notre client de la semaine. Alors voici ce qu'il nous a déclaré sur Twitter, le plus officiellement du monde. Emmanuel Macron était occupé à parler, évidemment, du coronavirus. Ah, voici ce qu'il dit. L'Afrique dispose des chercheurs et des scientifiques parmi les plus réputés au monde dans la lutte contre les pandémies. Les solutions élaborées en Afrique vont aider le monde entier à vaincre le Covid-19. Alors, ça fait suite à l'annonce, vous le savez, de l'annulation de la dette africaine, donc déjà qu'ils ne remboursent jamais, bon, bah, ils ne rembourseront pas cette fois de plus. Mais bon, il a tenu en plus à en rajouter, donc à polir le nœud des nègres, hein, donc ils se sont découverts tout d'un coup à l'avant-garde de la médecine mondiale, à leur plus grande stupéfaction d'ailleurs, probablement, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, en tout cas la mienne. Hein. Je ne savais pas, en fait, que les nègres avaient des scientifiques, déjà, j'ai du mal à comprendre le concept de scientifique. Alors, tu ne le savais pas, mais Emmanuel Macron, ces derniers jours, est allé voir le professeur Didier Raoult, hein, dont on avait parlé ces dernières semaines, dont notre médecin attitré, officiel, médecin officiel de démocratie partielle, a brossé un petit peu entrevu hein, le portrait la semaine dernière. Il l'a qualifié très exactement de père d'enfant juif. Oui, voilà. Ce qui est une description factuelle. Une dénomination tout à fait exacte. C'est pas ma faute. Ce n'est pas polémique. Mais en plus, la femme n'aime pas la fête de Noël. La femme de monsieur. Elle déteste Noël. Et donc, le président Macron est allé ces derniers jours voir le professeur Raoult à Marseille. Ça a été grandement couvert, oui. Voilà, c'était vraiment pour essayer de rattraper l'opinion publique, parce qu'il y a une contestation. Oui, mais pour essayer de rattraper, il y a un débat hébraïque, surtout le populisme médical, vous savez, tous ces trucs qui ressortent, c'est-à-dire, en gros, je me permets de te couper, mais simplement pour situer, pour tous ceux qui nous suivent, mais je pense qu'ils sont au courant de ça, c'est-à-dire que l'établissement traverse vraiment une crise de confiance majeure, et c'est dans tout le monde occidental. Bon, ça c'est le contexte. Donc vous savez, élection de Trump, Brexit, etc. La moindre manifestation de défiance vis-à-vis des autorités constituées leur est absolument insupportable. Et les Juifs sont extrêmement sensibles à ça. Extrêmement sensibles, pourquoi ? Bah, ils sont tout en haut de la pyramide, je choisis d'ailleurs ce terme à dessein, et pas en bas. Donc pour eux, s'ils voient que la base commence pas à suivre tout à fait les ordres ou à contester, ça va pas. Et Raoult, en fait, à son corps défendant d'ailleurs, hein, est devenu l'incarnation de la contestation de la parole officielle, y compris sanitaire. Hein. Donc, devenu très politisé, notamment sur les réseaux sociaux. Les Juifs sont absolument outrés par ça. Enfin, pas tous les Juifs, mais quand même. Alors, pas tous les Juifs, parce pas que. Tous les Juifs, pas tous les Juifs, mais une grosse partie. Sinon, quand même. Par exemple, c'est la BHL qui a dit oui, non, mais il faut mettre la chloroquine partout. Donc, tout à fait. Non, c'est pas dogmatique, mais on a vu quelqu'un comme Philippe Grégoire. Non, c'est pas homogène, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais on a vu comme des gros juifs, des gros juifs très influents qui sentent la contestation, en fait, qui font fi du débat sanitaire. Un mec comme Finkielkraut, qui a dit « Mais comment, d'où il sort, etc. » Il y en a un autre qui a dit « Ouais, mais il ressemble à Panoramix, etc. » Tu vois, c'est... Bon, on sent qu'il y a un malaise. Il y a un malaise, effectivement, mais moi, pour le coup, j'ai quand même été bien convaincu par notre docteur. Ah oui, attention, je précise. Je décris simplement un phénomène d'opinion. Je dis pas que Raoult est un... Non, je suis pas du tout en train de me dire « Raoult, c'est mon Dieu hein. ». Pas du tout. Okay. Hein. Je décrivais le mouvement de l'opinion, disons. Que je rappelle un petit peu ce que nous a dit notre docteur, c'est que la chloroquine pouvait avoir notamment des effets au niveau des gamètes, donc des cellules reproductives. Donc, si vous deviez être malade, chers amis, qui êtes jeune et qui n'avez pas d'enfant, moi, à titre personnel, je ne prendrais pas ce produit-là. Après avoir écouté notre docteur. Ouais. Oui, notre docteur qui nous dit que... Donc, ça pouvait avoir des effets sur les gamètes. Donc, si vous n'avez pas au moins deux enfants, vous devrez quand même réfléchir aux effets secondaires que peut avoir ce... De toute façon, il administre pas, hein, pour ainsi dire. Donc, Ouais, mais bon, voilà. même si, enfin, si on peut bidouiller pour l'avoir, etc., c'est quand même à prendre en compte. Et, Alors donc on en revient à la visite de Donc no, voilà, Macron, voilà, notre Marseille, Macron est voilà, allé voir Raoult, il est allé à Marseille, etc. Et donc il est resté plusieurs heures. Alors j'ai fait Et mon développement, Raoult... j'ai fait mon développement simplement pour dire que Macron a essayé de récupérer cette grosse part de l'opinion Oui, qui s'identifie à Raoult, l'opinion et voilà, c'est ça. Ouais. populiste, populiste, l'espèce Ouais. de populiste sanitaire, Ouais. populisme sanitaire qui se met en place avec Macron, auquel on a participé. Hein, j'ai aucun problème à le dire. Et bien, on a ce professeur Raoult qui, lui, depuis des années, dit que dans ses hôpitaux, pour faire ses thèses, il a des étudiants africains, des nègres en particulier, hein, qui viennent essayer, enfin, en gros, c'est le haut du panier des nègres, en fait, qui viennent essayer de s'extirper L'élite. de. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les blancs qui ont des hauts QI vont pas aller dans ces trucs-là, ils vont aller dans les deux trucs qui font du fric. Hein, pour ne pas être. Déjà, la plupart s'échappent de France. Hein, Oui. c'est déjà pas mal. Ce sont des patriotes qui évitent de contribuer à l'engraissement des nègres en France. Donc, je les en remercie. Les autres, bon, soit en France, ils ont de hauts salaires, etc., et que dans la finance ou autre, dans l'ingénierie. Et les nègres d'Afrique, eux, ben leur seul échappatoire, c'est de faire de la recherche fondamentale. Donc, ils arrivent chez Raoult, à l'Institut universitaire méditerranéen contre les infections. Et donc, tu as certains Encore nègres. une fois, Non, Marseille, mais c'est-à-dire, c'est. non, mais la porte d'entrée de l'Afrique en France, c'est quand même fascinant, Oui, Marseille. bien C'est sûr, quand non, bien même. sûr. Non, mais Non, ce serait un vrai problème d'ailleurs. il faut voir que les nègres ont QI très bas, hein, d'accord, en moyenne, mais c'est une courbe de répartition, c'est une courbe de Gauss. Donc, au final, sur la fin de la courbe de Gauss, tu as quelques QI qui sont des hauts QI. Donc, il peut arriver chez Raoult qu'il y ait des hauts QI nègres qui arrivent, qui soient pertinents, qui soient des gens qui soient compétents. Donc, ces hauts QI, tous ces hauts QI, en gros, vont arriver. Dans ces trucs-là où c'est facile de rentrer sans trop de problèmes administratifs. Donc il y en a chez Raoult, donc le type voit des nègres qui sont compétents. Et il se dit, oui, les nègres sont merveilleux. Donc mes étudiants sont tous travailleurs, ils viennent travailler chez moi le dimanche, tous les soirs, etc. Ce sont les plus besogneux. Donc tous les nègres sont comme ça. Donc tu vois, et de là-dessus, Macron va te dire que Ah oui. oui, ça vient là. Ça vient pas d'autre part. Il a vu Raoult qui lui a fait le topo. Le Macron, il a vu des nègres qui se baladent dans les couloirs. Il dit, mais qu'est-ce que c'est qu Mais oui, ce sont des chercheurs, Il a dû être le président. particulièrement Oui, aussi, il a Probablement, du probablement. mi-bol. Tout à fait. Probablement. Il a eu le fût. Bon, bref. Hein. Moi, je suis un Mais peu plus, je suis un peu plus excité par Adolf Hitler. Cet émoustillement de Macron qui s'est traduit par un tweet vient du professeur Raoult. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Racine d'un Ouais, la tweet, racine, bien sûr. racine d'un tweet par le Et cardinal c'est. qui nous a magnifiquement éclairé sur ce. Et il le dit, hein, il faut regarder ses conférences c'est une conférence sur l'innovation qu'il a faite qui est intéressante, hein, pour le coup, Ouais. sur le respect des règles dans l'innovation. Et c'est là qu'il explique comment ça marche, le pourquoi du comment, pourquoi il a des nègres qui sont chez lui. C'est intéressant, hein, c'est pas inintéressant, j'invite nos auditeurs à aller l'écouter, ou de chercher Raoult Innovation. Sur YouTube, vous avez une conférence qui est assez longue, mais qui est intéressante. D'accord, très intéressant en tout cas. Et on découvre, hein, donc l'avant-garde, les plus grands chercheurs, les plus grands scientifiques qui s'occupent des pandémies sont donc en Afrique. Oui, alors, est-ce Ce ne sont qu'il y pas a un forcément en Afrique, lien? mais ce sont peut-être des nègres, et c'est pas forcément faux. Ah, Pas forcément faux. je pense que c'est faux. Je Moi pense que aussi. c'est faux. Je En pense tout que cas, en c'est. France, non, mais non, je sais Non, pas. mais je Non, pense que mais je pense que c'est faux. t'as un gros problème, quand même, malgré tout, qui est soulevé là. C'est parce que si tu dis comme les plus hauts QI partent juste faire du fric plutôt que de faire de la recherche fondamentale. Ah bah oui, bah ça. Bah non non mais bah oui. Quand tu on vois a un problème en payé... France au niveau de la recherche, c'est certain. Ah oui, certain, mais quand tu vois combien est payé un postdoc au CNRS en France. Ah, je on a, pas on a des témoignages, qui fait hein, des études de sociologie ou oui, autre chose, hein. Mais c'est un énorme problème, ça. Tu vois. Ah, et bah, oui, là-dessus, bien sûr. Nous occidentaux blancs, bon, je pense qu'on ce qu'on fait, c'est quand même pas top. On va peut-être se remettre en question à ce niveau. Tu vois, le fait ah, que c'est les cerveaux les mieux formés partent faire de la finance ou des algorithmes à la con. Et encore, des algorithmes, ça peut tout à fait servir, mais c'est combien un doctorant ou un postdoc? C'est quoi? C'est 2000 balles, tu vois? 2500 balles? Ouais, en France, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'ils se barrent aux États-Unis, la plupart. Hein. C'est une honte. Bah, même en Suisse, on parlait de la Suisse, même en Suisse, beaucoup, dans le médical, il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de Français qui vont en Suisse. Enfin, beaucoup, on s'entend, quoi. Mais c'est une destination de choix pour des gens qui veulent exercer la médecine avec des rémunérations qui sont à la hauteur de leurs compétences, quoi. Non, mais tu n'as pas que la médecine, enfin les chercheurs... Ah, il n'y a pas que la médecine. Tu n'as pas que la médecine. On a eu des courriers de chercheurs au CNRS, je crois qu'ils nous avaient dit les salaires qui étaient en place dans ces institutions-là, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule, mais il faut aussi voir aussi... C'est même pas des ouvriers qualifiés, quoi. Je suis d'accord, mais je nuancerai ceci. Parce que comment il y a des gens qui il y a des gens brillants en France et ils mériteraient effectivement d'être rémunérés bien au-delà de ce qui est le cas actuellement. Mais n'oublions pas que le CRS est tenu d'une main de fer par des néo communistes et ils étouffent absolument l'espace et empêchent l'éclosion de talents. Il y a une telle chape de plomb que, donc moi je me dis, déverser du pognon sur des gens qui sont en fait des communistes acharnés, j'ai des doutes, même si je sais bien évidemment que statistiquement vous aurez toujours des gens qui sont brillants, libres d'esprit, qui se taisent, mais qui veulent poursuivre dans leur domaine de compétences qui est aussi leur passion, et j'en disconviens pas, quoi. Mais je veux dire, Si c'est pour déverser du pognon sur des incapables qui sont des adeptes de la théorie de l'égalité totale, je suis pas forcément. Ouais, non, mais enfin, tu as de la recherche fondamentale en physique, en chimie. Oui, certainement, tout à fait. C'est pas là, c'est pas sujet quand même. C'est vrai, tout à fait. Et les mecs sont tout autant payés au lance-pierre. Hein, mais... Je suis d'accord, mais après ça nous amènerait sur nos discussions, mais c'est grosso modo quel est le cadre économique de la France. Et on le connaît. La France, c'est le nègre, hein, j'ai envie de te voilà. dire. Par contre, ça peut être la vertu de cette affaire de confinement et de cataclysme économique. Je ne sais plus qui nous disait ça. Je crois que c'est peut-être Alexis qui disait que ça va coûter 20 milliards d'euros le temps partiel, à moins que ce soit MacDev, je ne sais plus. Bon, 20 milliards, il va falloir les trouver. Et comme on disait aussi quand ça a été évoqué, ils sont déjà en train de chercher, je veux dire, comme ils cherchent des demi-milliards à droite et à gauche, etc. Là, par contre, la gabegie qui est en place aujourd'hui, ça va devenir un vrai sujet politique, je pense. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais la Finlande a dit que le laxisme monétaire des pays du Sud l'engagerait à éventuellement sortir de l'euro. Ils l'ont dit très tôt. Ils l'ont dit même quand la Grèce était en problème. Et c'est tout à fait logique, c'est cohérent. Les mecs disent, pourquoi voulez-vous que nous payions des faillites? La solidarité, si vous voulez, ça impose aussi une forme de responsabilité. Si vous avez affaire à des gens en face de vous qui sont des gens responsables, des gens sérieux, qui gèrent un truc, mais qui ont un accident, bon, c'est une chose. Voilà, à ce moment-là, on peut faire jouer la solidarité. Mais quand vous avez des resquilleurs professionnels, des mecs qui sont des manfoutistes intégraux, et j'inclus très clairement la France, pas tous les Français, mais la France comme État là-dedans, il n'y a aucune raison d'aller demander à des Finlandais de passer à la caisse, quoi. C'est, je veux dire, je m'imagine pas l'inverse, quoi. Les mecs sont sérieux, gèrent bien leur pays, enfin, autant que je sache. Les mecs disent, on va pas payer pour vos conneries, les mecs. Vous foutez tout de travers, et quand on vous dit de changer de truc, vous nous crachez à la gueule en nous traitant de tous les noms. Ça marche pas. Donc moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est ce que je voulais dire, que ça va devenir un vrai sujet parce que vous savez, il y a l'histoire des... Enfin, la gabegie, on pourrait, ça ferait 40 émissions, la gabegie, hein. Mais quand on regarde juste sur la question de l'immigration, qui est quand même un poste hallucinant au plan budgétaire, enfin, réparti entre tous les ministères, les trucs, Vous avez, ne serait-ce que sur les migrants mineurs isolés, comme on appelle ça, les mineurs isolés, on appelle ça, bon. Donc les migrants clandestins, qui officiellement ne sont pas adultes, officiellement. Ça nous coûte, cette blague nous coûte, au bas mot, 2 milliards par an. 2 milliards. Vous rajoutez l'AME, 1 milliard. Vous avez déjà 3 milliards, là. Et c'est pas tout le budget de l'immigration, hein. Ça, c'est juste marginal, hein. 3 milliards. Bon, ça, c'est du pognon qu'on bazardait comme ça. Enfin, que les politiciens bazardaient pour faire plaisir à toutes les associations d'extrême-gauche, type SOS Méditerranée, comme un cercle du silence, Réseau Éducation Sans Frontières, enfin, toute cette extrême-gauche trotskiste puante, peuplée de fonctionnaires de l'éducation nationale en retraite, notamment de vieilles rombières qui se font sauter par des nègres en loose day, on le sait. Ça, par contre, je peux vous dire, les mecs qui vont tous se faire lourder de leur entreprise ou qui vont déposer le bilan, je veux dire, ces mecs-là, faudra pas leur expliquer que le département va réserver 35 millions d'euros pour l'accueil de Mohamed et ses frères. Ça va pas passer. Je vous le dis tout de suite, hein. Sur l'année qui vient et sur les années qui viennent, hein. Ça va plus fonctionner. Il va y avoir de vraies tensions là-dessus. On aimerait bien que ça passe plus, mais... Non, ça ne va pas passer. Ouais. Ça passait quand... On pouvait, comme ça, indéfiniment s'endetter. Ça pouvait fonctionner comme « Allez les gars, ouais, on endette. » Parce que personne n'allait voir où le pognon foutait le camp. Tant que les mecs, dans leur assiette à eux, ça allait à peu près. Et bon, il y a des mecs qui tiraient la gueule, ils disaient « Ouais, mais la boîte est tournée. La boîte est tournée. » Je pense que les gens ne feront toujours pas autant la différence entre 20 millions et 20 milliards. Ah si. Parce que là, la précarité, ça va pas du tout être une précarité comme on l'a connue. Ça va être une précarité à grande échelle. Tu vas avoir des faillites dans tous les sens. 20 millions, 20 milliards, ça sera pareil pour eux. Non ! Pour une raison simple. Ouais. Si t'as une réduction du PIB de 10%, déjà, t'as un trou de 10% dans ta caisse. Déjà, ça commence comme ça. Ensuite, t'as les faillites. Donc les mecs, ils disent, attendez, faillite systémique, parce que là, on parle de faillite systémique. Et, les gars, moi, j'ai besoin de pognon. C'est ce que nous dit un de nos auditeurs. Il nous dit, voilà, on n'a pas de pognon, on aimerait avoir des prêts, on ne les file pas. En plus, les prêts, excusez-moi, il faut les rembourser. Hein. Donc, en plus, les prêts à taux zéro du gouvernement, bon, c'est un pis-aller, mais c'est quand même pas le Pérou. Hein. Donc les mecs vont demander du fric, aidez-nous, au secours, aidez-nous, que font les assurances, etc. Et à côté, ils vont ostensiblement à déverser toujours les mêmes milliards d'euros sur les nègres. Ah, ils vont peut-être le faire. Mais c'est très risqué, hein. C'est très, très risqué politiquement. Moi, je crois que ça va pas se passer comme ça. J'y crois pas du tout. Mais enfin, s'ils sont inconscients au point de le faire, qu'ils le fassent, hein. Je veux dire, si Macron a envie de s'amuser, parce que l'histoire de réduction de la dette, etc., les gens sont encore chez eux, dans leur appartement, et tout, d'accord, ok, ils ont encore le nez dans la ouate, ils voient pas bien, d'accord, ok, admettons. Dans 3 mois d'ici, au mois de septembre, je peux vous dire qu'ils seront déjà beaucoup plus au fait de tout ce qui s'est passé. Quand on leur dira, les gars, on va vous rappeler là, les X milliards qu'on avait prêté au nez. Ouais, non, c'est cadeau. Ça va être comme le métro d'Abidjan. Hein, ouais. Moi, j'étais extrêmement surpris de l'annonce de Macron de vouloir annuler la dette africaine comme si c'était la priorité. Et je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autour de Macron, il y a, on va dire, les anciens Strauss-Kahn boys. Il y a Stéphane Le Foll, Manuel Valls. Ceux qui veulent revenir. Bah, ils gravitent autour d'eux. Et je me demande si Strauss-Kahn ne parlerait pas à l'oreille de Macron, de façon indirecte. Parce que Strauss-Kahn a fait un article extrêmement intéressant sur politique internationale, qui est un article de fond, hein, d'économie, où il parle de théorie un peu économique de Schumpeter et compagnie. C'est vraiment intéressant. Et pour lui, ce qu'il craint, en fait, c'est que les pays d'Afrique qui vivent grassement du tourisme, des aides de l'Occident, ou on va dire des matières premières, soient déstabilisés. Oui, ça c'est inévitable. Ouais. Alors, typiquement l'Égypte, par exemple. Oui, et j'ai envie de te dire, la France vit énormément du tourisme et des matières importées que sont les touristes occidentaux. Hein. Mmh. Alors si tu les enlèves, finalement, qu'est-ce que la France ? C'est quand même un pays du tiers-monde. Oh, peut-être pas, non, il faut rester raisonnable. En voie de développement, mais pas un pays du tiers-monde. Oui, non, mais je veux dire par là, ouais, fais-moi une chose. quand, mais seulement un peu de temps. Quand les frontières sont fermées dans un pays qui vit avec, uniquement avec le tourisme, pour des raisons politiques, hein, je sais pas moi, changement de régime ou autre, les hôtels, on le sait, ils changent de main. Ça pourrait très bien se passer en France. Hein. Ah non, mais là, il y a des gens qui font d'excellentes opérations financières au moment où on parle. Hein. Bah évidemment. Et d'ailleurs, la bourse, finalement, elle n'a pas tant baissé que ça, hein, quand tu regardes bien. Pas du tout. L'économie, enfin, la bourse française, je sais pas, mais la bourse américaine, elle marche très bien. Il y a eu l'imprimante. Ouais, oui, bah. C'est parti un peu. Ah, bah, la Fed, ils ont dit, on imprime à fond, je veux dire, il n'y a plus de limite. C'est, vous imaginez, c'est, ils n'ont pas dit, on va mettre un truc de temps. Non, là, c'est. Donc, la bourse américaine. Non, c'est pas la bourse. Non, oui, c'est la Fed qui a. La Fed est. Oui, mais ça se traduit pour les actifs, quoi. C'est... Mais je veux dire, pour l'instant, l'argent, il ne descend pas dans l'économie réelle, tu vois. C'est pour ça que. Non. On parle beaucoup de risque d'inflation, mais. Non, c'est nul. Il faut bien se dire, oui, c'est que. Ouais. Moi, ce que je vois surtout, c'est plutôt la déflation que l'inflation. Bah, l'inflation, c'est le fait qu'on va avoir, oui. Ouais, non, mais l'inflation, c'est quoi? C'est la masse monétaire multipliée par la vitesse de circulation de la monnaie. Tu peux avoir toute la masse monétaire que tu veux, si tu n'as pas de circulation de la monnaie, tu n'auras pas d'inflation. Bien sûr. Mais de toute façon, ils ont pas imprimé de l'argent, des volumes tels d'argent qu'il y aura de l'hyperinflation. Les gens, ils racontent n'importe quoi. Bah non, effectivement. Et puis, pour en revenir à Strauss-Kahn, il y a un truc aussi dans les économies d'Afrique, c'est que dans les zones CFA, même si bon, Macron a parlé de la réformer, si tu veux, l'émission de monnaie de banque centrale, il n'est pas corrélé aux simples décisions des gouverneurs de banque centrale. Il est tout simplement corrélé aux recettes des États. Donc si t'as plus de recettes des États, t'as plus de monnaie banque centrale. Et je pense que Macron, s'il a dit ça, c'est évidemment pour faire écho à sa négrolatrie pathologique, on est d'accord. Oui. Mais c'est aussi parce qu'il demande à dire qu'en tant que pays d'Afrique, il serait peut-être temps qu'on ne rembourse pas la dette. Ou en partie. Moi, je l'ai ah oui, toi, tu vois un message indirect qui pourrait être adressé. Je vois ouais. Un message indirect adressé, on va dire, aux. Commençons par l'Afrique, on suivra par la France, tu vois. Exactement. Ouais, ouais. Bon, les gars, on est incapable de la rembourser. Hein, en fait. Ah bah, de toute façon, clair, c'est on ne la remboursera jamais. Mais il n'y a pas que la France, hein, je veux moi, dire. Moi, j'ai compris comme ça. J'ai compris, vous imprimez de la monnaie, nous ne serons pas capables de la rembourser. Donc, directement, donnez-la nous. Et puis bon, si la monnaie se dévalue, bah, tant pis pour vous, quoi. Moi, j'ai compris comme ça. Ouais, tant que les taux sont bas, on peut, on arrive à rembourser. Hein. On avait eu des baisses. C'est stable, disons, quoi. Voilà, mais on avait eu même des baisses ces derniers temps d'endettement. Donc, tant que les taux sont à quasiment à zéro, ça peut. Alors, ça va pas rester à zéro très longtemps, par contre. Hein. Ben, le jour où ça va augmenter, ça va. Ça va péter, hein, c'est tout. Hein. Bah oui. Hein. Bah, le jour où la zone euro éclate, c'est terminé. Je veux dire, les taux vont monter en France. Ah oui, ça va pas être joli. Hein. Oui, d'ailleurs. Ce qu'il va falloir voir, c'est par rapport à la dette chinoise. Quoi. C'est-à-dire que, bon, là, on est dépendant des Chinois qui nous ont filé ce virus. Ils nous font beaucoup de cadeaux, les Chinois, en ce moment. Oui, ils font beaucoup de cadeaux. Le seul cas qu'ils font pas, c'est des nègres, peut-être. On les prend nous tout seuls. Mais c'est vrai que pour tout le reste, ils sont assez forts. Avec des ambassadeurs particulièrement forts en bouche. Hein, ils sont fascinants. C'est comme si c'était rien passé. C'est assez extraordinaire. C'est même pas ça. Il y a un petit côté Algérie là-dedans, quand même, je trouve. Ah, il y a un petit côté séfarade. C'est du judaïsme, c'est pratique. Ah ouais, non, c'est pas le. Ils en étaient à hurler au racisme anti-chinois en février. Envisageait de réduire les transits avec la Chine. Ouais, t'as pas vu les procès en racisme anti-noir qui se prennent dans la gueule maintenant là. Ouais. Parce qu'il y a eu, il y a eu des trucs, mais maintenant ils se font accuser de racisme anti-noir. Ça traduit une mentalité qui nous conseillait de bouffer de la bile de d'ours pour nous soigner du coronavirus. Alors oui, enfin, il voulait surtout la commercialiser. Hein. Oui, bon, Ouais. Je pense qu'il voulait surtout torturer les ours parce que c'est un peuple particulièrement sadique, comme les nègres. Bien qu'ils aient un cuit. Je sais pas si les nègres sont aussi sadiques quand même. Non. Enfin, ils sont brutaux, mais pas aussi violents. Mais ouais. c'est plus par stupidité que ouais, vraiment. C'est plus que le chinois, c'est sa volonté d'être. Ah oui, c'est le plaisir, c'est le plaisir. C'est le plaisir, c'est le plaisir. Effectivement, le chinois est sadique. Et donc, bon, il se pose la question de faire défaut sur une partie de la dette chinoise. Mais le truc, c'est que si on dit qu'on va faire ça, vu que c'est eux qui font les masques, on l'a dans l'os. Hein. Donc, pour l'instant, il faut bien qu'on ferme notre gueule. C'est beau, hein? La mondialisation. Être indépendant de Blast, quand même. On est quand même un pays qui était en haut. Bon, bah, écoute, la France. Quoi qu'on en dise. La France est aux mains des Juifs. Alors, si maintenant elle est dépendante des Chinois, qu'est-ce que ça fait? Non, mais voilà, ça permet de voir où en est la décrépitude de notre pays. Quoi. Ah, je crois que c'est à. Je pense que c'est assez clairement identifié maintenant. C'est circonscrit. Donc, on est un pays envahi de nègres, partiellement administré par l'État islamique, qui doit fermer sa gueule devant des blattes chinoises qui fabriquent des merdes. Disons qu'il faut. Ouais. C'est co-administré entre Tsahal et l'État islamique. C'est une. Oui. Ça dépend. Ça dépend des questions, en fait. Ouais, c'est pas des questions. Mais pas très. Alors, tiens, juste avant qu'on fasse une pause, cette annonce d'Edouard Philippe, puisque j'en suis aux annonces et au pognon gratuit et à l'Afrique, vous allez voir, c'est dans le prolongement. Voici ce qu'a fait comme. Vous savez, il a pris la parole cette semaine, Edouard Philippe, le Premier ministre français. Il a dit ceci: nous verserons le 15 mai prochain 150 euros par ménage bénéficiant du RSA, s'y ajouteront 100 euros par enfant. Est-ce que c'est une annonce qui vous a plu? Vous notez, hein, vous êtes chef d'entreprise, on vous fait un prêt. Pas un don, hein. Un prêt. Bon, à taux zéro, je vous l'accorde, mais bon, un prêt. En revanche, don exceptionnel, qui tombe d'ailleurs sur la période du Ramadan, je l'observe, oui. Pour les gens qui sont dépendants du RSA, et avec une prime, 100 euros par tête. Pondue. Alors, est-ce que nous parlons ici des Gaulois paupérisés? Ou des bougnoules. Ou des bougnoules. La question est posée, messieurs. 150 euros par tête de RSA, c'est ça? Plus 100 euros par tête de négrillon, c'est ça? Tout à fait. Je pense que c'est la communauté malienne qui va particulièrement être séduite par cette mesure. Oui, communauté qui est très, très ancrée dans le regroupement familial, ce genre de communauté. La, oui. La grande famille Traoré, hein, qui sera particulièrement touchée par. Oh, le peuple, hein, le peuple Traoré même, hein, il y en a tellement. La famille Traoré, les subventions, c'est pas des subventions à 150 euros par tête qu'elle s'est demandé. Le geste est là. Et là, la famille Traoré va toucher quelques millions quand même. Hein, quelques millions. Alors, je vais te dire un truc, l'État est tellement peu présent dans les banlieues, ces territoires abandonnés par la République, oui. Que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu confines les petits négrillons dans des appartements, bon, déjà, le risque de cannibalisme s'accroît. Donc, il faudrait quand même pas, tu vois, je veux dire, ne pas prendre soin de notre or bleu. Et puis. Tous ces gamins-là, ils sont entretenus par l'État, tu vois. Ils vont à l'école, la cantine est quasi gratos. Ils vont à l'école. Il y avait un papier là-dessus d'Ariane Chemin dans Le Monde. Elle chialait parce que la cantine gratuite c'était plus ou moins suspendue dans le 93. Les années, enfin, toute la gauche bobo, elle est en train de hurler parce que les nègres meurent de faim, paraît-il. Les mecs. Non, mais. tu rigoles, mais c'est en partie vrai. Oh, j'aimerais beaucoup, mais je n'y crois pas un instant. Bah oui, mais le problème, c'est que c'est l'État qui engraisse toute cette marmaille. Ah mais non, mais je suis d'accord, mais qu'on me fasse pas croire que c'est la Somalie dans le 93, parce que ce que je veux dire, c'est que les 150 euros là du RSA, en fait, c'est quoi? C'est l'argent de la cantine, des centres aérés, de toutes ces associations, les compagnies. Je veux dire, non mais dites-vous bien une chose, vous vous souvenez pas d'il y a quelques mois où Macron ou Blanquer, je ne sais plus, avait pour projet de fournir des petits déjeuners aux nègres? Ah oui, si, c'était quoi? Voilà. Oui. C'était quoi le... Oh, il y avait une thématique, enfin, égalité république, quoi, un truc comme ça. Quoi. Oui, c'est ça, dire qu'au nom de l'égalité, bah, on va fournir le petit déjeuner aux Voilà, Africains, égalité, bah, république, ça. Poulet, voilà, c'était ça. Oui, c'est ça. Programme africain, donc, ouais. Blanquer. Putain, ça c'est un beau candidat à la négrification de la France, si Blanquer, hein, m'étonne. Hein. Ah oui, alors Blanquer est... Je pense que c'est le plus aux fraises. Hein. Je veux dire, entre lui et Sidette... Ouais. Il a un côté un peu perché, ouais. Mais il aime les nègres, ça le sauve. Qui n'aime pas les nègres dans le gouvernement Macron? J'ai quand même l'impression que c'est qui n'aime pas les nègres en France, obligatoire. Qui n'aime pas les nègres en France? Bon, bah, vous êtes la preuve vivante qu'il existe une opposition. Enfin bon, voilà... Toujours plus de pognon. Non, je veux dire, sociologiquement, on sait très bien que voilà, cette annonce vise très clairement les nègres et les Algériens qui envahissent la France. Voilà, donc c'est une prime à l'invasion, puisque c'est indexé sur le nombre de rats et de babouins qui sont efféqués par les Fatmas et les négresses en boubou. Voilà, vous avez bien compris. Enfin, les messages sont envoyés, 2022 approche, et c'est fait avec l'argent des Blancs. Pendant ce temps-là, les chefs d'entreprise, hein, de petites entreprises, j'entends, sont en train de crever la gueule ouverte au sens strict. Voilà. Mais bon, les priorités sont annoncées très clairement, ce qui s'ajoute d'ailleurs aux maghrébins transsexuels qu'on sauve aussi en urgence, c'est important. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus? Ou bien nous faisons une pause musicale avant d'entamer notre deuxième partie d'émission, où nous serons déjà sur des sujets... plus enthousiasmant, dirais-je. Non ? Pause musicale, et on se retrouve tout de suite après, les amis. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 16. Rubrique numéro 4. Les salles juives de la semaine, incontournables, vous savez que le peuple élu est un peuple bon, généreux, incompris, souvent persécuté à tort, et pourtant qui ne veut que notre bien, vous le savez, je pense que vous le savez, en tout cas si vous êtes républicain, vous le savez. Si peut-être vous avez quelques doutes, il est possible que cette histoire, hélas, nourrisse ces doutes. Alors je vous livre cette petite histoire qui nous est narrée par 20 minutes, hein, donc pas une publication antisémite. Hein. Voici. La visite d'Emmanuel Macron le 31 mars a-t-elle fait connaître la société Call Me Open au grand public? Sans doute. Il semblerait même que la renommée soudaine de la société pharmaceutique installée à Saint-Barthélemy d'Anjou, dans le Maine-et-Loire, ait attiré des personnes mal intentionnées. Suite à un signalement de l'entreprise, deux Françaises ont été interpellées en Israël. Elles sont soupçonnées d'avoir tenté d'escroquer des dirigeants d'entreprise en leur promettant des masques et du gel hydroalcoolique pour se protéger de l'épidémie de coronavirus. La tentative d'arnaque a été arrêtée à temps par les enquêteurs. Menée par le SRPJ d'Angers, les investigations ont permis d'identifier deux femmes de nationalité française de 37 et 70 ans d'une même famille suspectée d'être à l'origine de cette escroquerie. Interpellées mardi à Netanya en Israël, les femmes étaient en possession du téléphone servant à démarcher les entreprises françaises. Les suspectes contactaient des dirigeants d'entreprises françaises pour leur proposer des masques et du gel hydroalcoolique à l'aide d'une adresse e-mail ressemblant à celle de Call Me Open. Puis se faisaient passer pour un agent commercial et contactaient les prospects pour leur proposer d'acheter une marchandise qu'elles n'avaient pas. C'est la société pharmaceutique Angevine qui a alerté les autorités après avoir reçu de multiples demandes de devis suite à un démarchage commercial qu'elle n'avait jamais effectué. Les investigations ont permis d'établir qu'une autre société basée en Haute-Garonne avait subi le même sort. Aucune des sociétés démarchées n'aurait cependant donné suite à cette tentative d'escroquerie. L'enquête pilotée par la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes, le JIRS, a démontré que cette même équipe démarchait des particuliers en se faisant passer pour la Direction générale des finances publiques et exigeait le paiement d'arriérés d'impôts. Une information judiciaire a été ouverte le 15 avril. Des chefs d'escroquerie et tentatives d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment et d'association de malfaiteurs. Les auditions des personnes mises en cause par les services israéliens sont en cours, précise le procureur de la République, Philippe Astruc. Il y a des gens qui essayent de tirer un profit, un bénéfice d'épidémies suscitées depuis des laboratoires qui appartiennent à d'autres juifs. Je pense à Yves Lévy et à son épouse, Madame Buzyn. Alors, faut-il penser à mal ? Y a-t-il quelque chose qui... Faut-il être antisémite ? Tu remarqueras que le procureur de la République est aussi astruc. Hein, peut-être... Il appartient à la famille. C'est un procès en terne. Oui. Procédure interne, effectivement. Alors vous êtes, comment dirais-je, bon, il n'y a pas de petit profit, enfin bon, si on peut pas non plus escroquer quelques goyes, franchement. Bon. Vous avez du bien à dire des juifs suite à cette petite affaire D'ailleurs, je ne veux pas restreindre quand même notre petite discussion à ces deux françaises, hein, c'est spécifié, hein, deux françaises. Hein. Ce sont des françaises en Israël. Françaises en Israël, oui. Alors ben, ces immigrés français, on n'en peut plus. Peut-être sont-elles des palestiniennes. C'est possible. Hein. C'est même qui arnaquent les Français en Israël. Non, mais si vous avez plus généralement des choses à dire en mal sur les Juifs autour de ce coronavirus. Est-ce qu'il y a des Juifs qui sont illustrés? Moi, j'ai cité Finkielkraut, hein, qui c'est visiblement... Il les a défendus ou pas? Ah non, c'est un peu le spécialiste pour ça, lui. Ah, pas celle-là, mais il a intervenu en disant que... il fallait faire taire la populace qui n'était pas contente avec ce que faisait le gouvernement, quoi. Je pense qu'il soupçonne, si vous voulez, il y a des réminiscences médiévales, parce que c'est un juif de Pologne, notre ami Finkielkraut. Hein. Donc il y a des réminiscences, si vous voulez, de soulèvements populaires à la suite d'empoisonnement. dans le passé, surtout médiéval. Oui. Donc je pense qu'il y a des craintes. Mais bon, c'est voilà quoi. L'esprit dans ses gènes, c'est une réponse immunitaire. C'est une réponse immunitaire, effectivement. Oh là là, bon, enfin bon, je trouve que ça rend hommage à la grandeur d'âme du peuple juif que de souligner cette petite affaire. On a toujours envie, dans les grands moments de détresse, on a toujours envie de tendre la main à un goy. Oui, encore une fois, le préjugé absolument infondé de l'escroquerie des juifs. Quoi, hein, tout à fait, tout à fait. En mentant. Hein, une famille de Français en Israël qui arnaque des sociétés. Française. Ce qui n'est jamais que la énième fois, parce que rappelez-vous, Le Drian était victime de type de Le Drian. Oui, oui, bah c'est la méthode Chicli. C'est Gilbert Chicli qui fait ça. C'est ça, ouais, voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, Le Drian, donc ministre des Affaires étrangères français, comme vous savez. Je compte sur vous, ouais, c'est sa signature. Ouais, c'est. Donc, Le Drian, vous connaissez, bon, ministre des Affaires étrangères français, assez transparent, je dois bien le dire. Parce que bon, Macron s'en sert un petit peu comme. Pot de fleurs, mais c'est une potiche, quoi. Il sert pas à grand chose. Y a des gens qui appartiennent à un petit peuple assez identifié qui téléphonent à droite à gauche en Afrique en disant voilà, oui, c'est Jean-Yves, on a besoin d'argent, etc. Non, c'est... pas qu'en Afrique, en France aussi. Hein. Oui, oui, ils ont fait à droite à gauche, oui, tout à fait, tout à fait. Mais beaucoup en Afrique, beaucoup en Afrique. Mais en France aussi, tout à fait, tout à fait. Et bon, ils se sont fait poisser, les mecs. Hein. C'est là que tu vois. Ça sent le séfarade, hein, quand même. Hein. Tu vois que c'est bon. C'est. Il y a un côté très, très, très arabe là-dedans, tu vois. C'est pas très élaboré, quand même. Mais bon. Ça valait le coup de le souligner. Je crois que dans le Talmud, c'est permis de voler le goy. Hein. Alors. Est-ce que ça fait partie des réparations? Si le goy se trompe. Voilà, si le goy se trompe, charré, c'est permis. Voilà. Ah mais le judaïsme est une religion très subtile, hein. Il faut être au fait des nuances du Talmud. Bon, sur ce, voilà, c'est une anecdote, je voulais la livrer quand même. Nous allons maintenant souhaiter un joyeux anniversaire à Adolf Hitler. Au Führer, 131 ans déjà qu'avait lieu ce miracle qu'est la naissance d'Adolf Hitler, qui continue d'illuminer bien évidemment nos cœurs, nos vies, surtout en cette période délicate, mais qui plus que jamais nous permet d'être plus au fait de ce qui se passe, y compris à notre époque. Donc c'est un peu notre phare dans la nuit, vous voyez, cette lueur au loin qui nous indique la marche à suivre. Je crois qu'il faut lui souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà. Je souhaite un excellent anniversaire, un heureux anniversaire au Führer qui ne peut être que heureux, puisque vous le savez, son ascension a eu lieu il y a maintenant 75 ans. Sur ce, comme tous les ans, pour fêter l'anniversaire du Führer, j'ai trouvé utile... pertinent, disons, de citer des propos, des déclarations qui sont les siennes, des confidences, et qui sont trop peu connues, en fait, du grand public, car le public français, francophone en tout cas, ne connaît pas du tout, en fait, Adolf Hitler, c'est très clair, ne connaît pas sa personnalité, ne connaît pas sa pensée. Elle est très généralement caricaturée, à grands traits d'ailleurs, et systématiquement par des juifs, donc par des ennemis. Et du coup, les Français se contentent d'idées reçues, etc., et naviguent là-dedans comme ils peuvent, mais n'ont jamais d'éléments vraiment... Enfin, n'ont jamais, sauf ceux qui cherchent avec assiduité, mais pour l'essentiel, n'ont pas d'éléments très intéressants sur sa pensée, sa réflexion, et surtout quelle était la mission qu'il se fixait au moment historique où il se trouvait, et en quoi d'ailleurs elle peut continuer à être inspirante pour nous. Voilà. Donc j'ai voulu pallier ça. Je pense que c'est la meilleure façon de souhaiter un bon anniversaire au Führer. C'est le livre qu'on avait déjà cité l'année dernière. Donc c'est Mémoire d'un confident, c'est signé par Otto Wagner, qui était un dirigeant de la SA, qui était un économiste, qui a ensuite, plus tard, été mobilisé durant la guerre, mais qui n'a pas rempli de fonction au sein du gouvernement national-socialiste. Hein. C'est quelqu'un qui a contribué à l'émergence du mouvement, mais ce n'est pas quelqu'un qui a joué un rôle crucial dans la marche du régime national-socialiste. C'était quelqu'un qui était issu des corps francs. Hein, oui, enfin, c'est quelqu'un qui avait été formé à l'armée, d'ailleurs. Il avait été à l'académie militaire avant la Première Guerre mondiale. Il a participé à la Première Guerre mondiale, il a ensuite été dans les corps francs, donc c'est un nationaliste allemand, et qui était socialiste. Ça, c'est très important à comprendre. C'était des gens qui étaient socialistes, c'est des gens qui n'étaient pas du tout des grands bourgeois ou des aristocrates, ou comme on peut avoir comme image quand on parle du militarisme allemand. Ça existait, il y en avait, mais ce n'était pas l'idéal qui les soulevait. Hein. Et surtout... Il était issu d'une famille entrepreneuriale. Son père tenait une usine, je ne sais plus de quoi il s'agissait, mais enfin, c'était un entrepreneur, en fait. Hein, enfin, il était, en tout cas, issu d'une famille d'entrepreneurs. Tout à fait. Donc, comme on l'avait dit l'année dernière, c'est quelqu'un qui a bénéficié des confidences du Führer, puisque c'était un de ses collaborateurs les plus proches entre 1930 et 1932, pendant 3 ans, 30, 31, 32. Et comme il l'explique très bien dans son livre, notamment en 31, 32, ils ont eu à parcourir toute l'Allemagne, et il la parcourait généralement en voiture, et il fallait monter le mouvement, il fallait le construire, et il fallait rencontrer... des gens de toute la société civile, il fallait rencontrer des scientifiques, il fallait rencontrer des militaires, il fallait rencontrer des artistes, etc. Et souvent le soir, comme ça, à l'hôtel, eh bien, le Führer se laissait à ses confidences, à des considérations, lors de discussions très libres, hein, très libres. Adolf Hitler communiquait ses idées, voilà. Et on lui soumettait une question, on lui posait une question, etc. Et c'est quelqu'un, ça c'est très intéressant dans son livre, le Führer ne fonctionnait pas par écrit, c'est ce que dit Wagner. Il dit, Adolf Hitler n'écrivait pas. Adolf Hitler n'avait pas besoin, pour forger sa pensée, de passer par le processus de l'écriture. C'est quelqu'un qui raisonnait à haute voix. Donc les gens étaient assez surpris, surtout ses proches collaborateurs étaient assez surpris de l'entendre élaborer sa pensée en parlant. Et parfois, quelqu'un voulait dire quelque chose, etc., et il disait, attendez, laissez-moi finir, laissez-moi finir au sens de laissez-moi parler, pour que je termine mon propos, c'était laissez-moi réfléchir. c'est assez surprenant. Et donc, Wagner a été quand même un témoin privilégié. Il les a restitués assez bien, avec des recoupements, j'en ai parlé un peu avec Pierrot. On voit que ce qui est dans les mémoires de Wagner, en fait, par bribes, on retrouve ce qu'on peut découvrir par bribes ici ou là, avec d'autres confidences, ou des écrits, ou des discours. On retrouve ça de manière intégrale dans les mémoires de Wagner, et c'est un écrit de vraiment, je considère, de tout premier ordre, pour comprendre quelle était la pensée profonde d'Adolf Hitler, quel était l'idéal qui l'animait, et qui est vraiment à mille lieues, mais vraiment à mille lieues, des caricatures qu'on en a fait et qu'on continue d'en faire, et des mensonges qui continuent d'être déversés sur Adolf Hitler. Alors, maintenant j'en viens au passage que j'ai trouvé vraiment intéressant pour cet anniversaire. C'est relatif, non pas au christianisme en tant que tel, mais au message du Christ. Parce qu'il est très politique. Et je m'en vais vous le lire, et ensuite on va discuter là-dessus, parce que finalement, et on le voit même sur le forum ELB, hein, où il y a des gens de tous les horizons d'ailleurs, il n'y a pas nécessairement que des gens qui se revendiquent du national-socialisme, hein, il y a vraiment des gens de toutes tendances. C'est une question, enfin vous savez, le rapport au christianisme est assez intéressant, je me suis dit, c'est intéressant, il y a quelque chose à développer là-dessus, et le Führer nous en donne l'occasion, l'opportunité. Donc je vais citer Adolf Hitler. Alors donc voici ce passage. Alors, s'adressant donc à Otto Wagner, le socialisme est un problème politique. Et la politique ne regarde pas l'économie. Le socialisme est une question d'attitude face à la vie, une question de point de vue éthique sur la vie, qu'ont tous ceux qui vivent ensemble dans un espace ethnique ou national commun. Le socialisme est une vision du monde. Mais en réalité, il n'y a rien de nouveau à propos de cette vision du monde. À chaque fois que je lis le Nouveau Testament et les révélations de différents prophètes, et que je m'imagine à l'époque romaine ou à l'époque hellénistique tardive, ainsi qu'à l'époque orientale, je suis abasourdi par ce qui a été fait des enseignements de ces hommes divinement inspirés, tout spécialement de ceux de Jésus-Christ, qui sont clairs et uniques. Ils sont ceux qui ont créé cette nouvelle vision du monde que nous appelons actuellement le socialisme. Ils l'ont établi, ils l'ont enseigné et ils l'ont vécu. Mais les communautés qui se désignent en tant qu'église chrétienne ne le comprenaient pas. Ou si c'était le cas, ils ont nié le Christ et l'ont trahi. Car ils ont transformé l'idée du socialisme chrétien en son opposé. Ils l'ont tué, exactement comme, à l'époque, les Juifs ont cloué Jésus sur la croix, l'ont enterré, tout comme le corps du Christ a été enterré. Mais ils ont permis la résurrection du Christ, instillant l'idée que ses enseignements également ont été ressuscités. C'est en cela que réside le crime monstrueux des ennemis du socialisme chrétien. Avec la plus basse hypocrisie, ils paradent avec la croix en tête, l'instrument du meurtre que, dans leur esprit, ils commettent encore et encore. Comme le signe d'une nouvelle conscience chrétienne et permettent à l'humanité de s'agenouiller devant elle. Ils prétendent même enseigner les enseignements du Christ. Mais leur vie et leurs actions sont un coup permanent porté à ces enseignements et à leur Créateur, et une injure faite à Dieu. Nous sommes les premiers à exhumer ces enseignements. Par nous seulement et jamais avant nous, ces enseignements ne célèbrent leur véritable résurrection. Marie et Madeleine attendaient près de la tombe vide, car elles cherchaient l'homme mort. Mais nous avons l'intention d'élever les trésors du Christ vivant. Ici repose l'élément essentiel de notre mission. Nous devons ramener le peuple allemand à ses enseignements. À quoi mène la falsification du concept d'amour chrétien, de la communauté de destin devant Dieu et celle du socialisme. Tu les jugeras à leurs fruits. La suppression de la liberté d'opinion, la persécution des vrais chrétiens, les villes meurtriers de masse de l'Inquisition et les bûchers de sorcières, les campagnes militaires contre les peuples à la libre et véritable foi chrétienne, la destruction de leurs villes et de leurs villages, le pillage de leur bétail et de leurs biens, la destruction de leur économie prospère et les condamnations de leurs chefs devant des tribunaux dont l'hypocrisie ne peut qu'être qualifiée de blasphématrice. C'est le véritable visage de ces églises sanctimonieuses qui se sont placées entre les hommes et Dieu, motivé par l'égoïsme, l'appât du gain et l'ambition de maintenir leur volonté contre la profonde compréhension du Christ de la nécessité d'une communauté socialiste des hommes et des nations. Ich habe gerade diesen scheinbaren Zusammenbruch des Jahres 1923 erst recht als der Beginn des Siegesmarsches angesehen. Nous devons éloigner tous les sentiments du peuple, toute sa pensée, tous ses actes de l'individualisme antichrétien du passé, de l'égotisme et du pharisaïsme stupide, de l'arrogance personnelle. Et nous devons éduquer tout particulièrement la jeunesse dans l'esprit des mots du Christ que nous devons à nouveau réinterpréter. Aimez-vous les uns les autres. Soyez attentifs à votre compatriote. Rappelez-vous que chacun d'entre vous est une créature de Dieu et que vous êtes tous frères. Ces jeunes abandonneront avec dédain ces hypocrites qui ont le Christ sur leurs lèvres, mais le diable dans leur cœur, qui font l'aumône pour continuer sans être dérangés à jeter leur argent par les fenêtres, qui invoquent la patrie alors qu'ils remplissent leur portefeuille par l'exploitation des autres, qui prêchent la paix et poussent à la guerre. Notre mission n'est pas économique. Bien sûr, l'économie et son éthique doivent être adaptées à ce socialisme, mais ce n'est pas l'essentiel. Emplir le cœur du peuple avec une foi renouvelée dans la vision du monde de celui qui était jadis un sauveur pour les peuples aux heures les plus sombres, voilà ce qui est l'essentiel. Et comme les vieux sont habituellement inextricablement liés à leurs intérêts économiques et leur mentalité d'épicier, nous ne pouvons chercher de soutien que chez les jeunes. C'est la jeunesse qui conquérera une nouvelle fois le véritable royaume des cieux pour son peuple et toute l'humanité. Voilà la définition de l'esprit socialiste par Adolf Hitler. Je pense que ça surprendra un certain nombre de personnes. Peut-être pas tout le monde, mais ça surprendra un certain nombre de personnes. Alors là, je vous demande, je vous sollicite très librement, qu'est-ce que éveille en vous ce propos du Führer sur, donc là on est en 31-32, sur sa conception intime, personnelle, spirituelle du socialisme. Vous voyez, ce qu'il entend par le terme socialiste, c'est national-socialisme. Je vous sollicite, là. Je serais curieux d'avoir votre ressenti. Personnel, vous aussi. Déjà, c'est à l'opposé de pratiquement tout ce qui a été dit couramment à son sujet pour ce qui est de l'Église. Ça, c'est déjà un. Ensuite, on peut comprendre par là que des nationalistes radicaux se réclament de la doctrine sociale de l'Église. On peut faire le lien. Alors, j'ai une chose là-dessus à dire. Ce que nous dit en substance, ce qu'est dit en substance Adolf Hitler, c'est que pour lui, on comprend son anticléricalisme. C'est qu'il nous explique son anticléricalisme. Il explique aux personnes avec qui il dialogue les raisons de son anticléricalisme. Il dit, en fait, ce sont des escrocs qui s'érigent en intermédiaires pour en retirer un profit, un gain très matériel. Et ils ont détruit l'idéal premier du Christ, qui était un grand idéal, finalement, d'abnégation, c'est-à-dire de sacrifice de ses intérêts personnels, de ses pulsions personnelles, de ses tendances personnelles, pour un bien plus grand qui est le bien de la communauté. Et que par cet effort-là, cet effort spirituel, la communauté s'élèverait d'elle-même. C'est-à-dire que si, plutôt que de jouer personnel, on joue collectif, on hisse par définition la société, on le sait. Mais là, on parle vraiment d'une élévation spirituelle qui aura ensuite des effets sur les réalisations même du peuple. Et je crois que c'est une attaque frontale contre l'Église visible, mais pas contre l'enseignement du Christ tel qu'on le retrouve dans les évangiles et qu'il cite. Voilà. Ça me paraît essentiel à comprendre chez Adolf Hitler, parce que tantôt les uns retiennent son anticléricalisme et en font l'argument d'une croisade absolue contre le christianisme et tout ce qu'il a pu dire, ou inversement, on fait dire à Hitler, mais non, mais il était chrétien, etc. Or, on voit que son point de vue est en fait un point de vue, je dirais, extérieur, en ce sens qu'il ne se sent pas appartenir à une église. Mais il se reconnaît dans les évangiles, c'est-à-dire qu'il se reconnaît dans ce qu'a essayé de faire le Christ comme réformateur social, et aussi réformateur des esprits, des âmes. Ça, c'est intéressant, ça. Je trouve que ça, c'est très pertinent, quoi. Donc, je rebondis sur ce que tu disais, Fulbert, quoi, par rapport à son rapport à l'église, parce que Hitler ensuite était présenté comme un diable, il est toujours présenté comme un démon animé vraiment par le diable, et même par les Curtons. Savez-vous que Pie XII a essayé de se livrer un exorcisme sur le Führer. Est-ce que vous le saviez, ça? Non. Ce macaque dans sa tour d'ivoire, pendant que le monde s'écroule sous les chars de l'armée rouge. C'est quand même ahurissant. Alors, ça n'a pas suffi à ce brave Pie XII pour être accusé par les juifs d'être un odieux antisémite. Il est antisémite, tout ce qui n'est pas sémite, mon cher. Voilà, tant qu'il n'y aura pas un rabbin officiellement à la tête du Vatican, il y aura forcément des antisémites, de toute façon. Alors, Pierrot, Oui, est-ce que je ne peux pas m'empêcher de dire un non, mot non, aussi raison, hein. T'as raison, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, je viens vers toi parce que tu es chrétien, tu es catholique. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que tu te reconnais dans tout ce qu'a dit le Führer, mais ça doit résonner un petit peu en toi. Alors, je serais curieux d'avoir ton point de vue personnel là-dessus. Non, mais on est libre de raisonner. Hein. De toute façon, comme tu l'as dit, c'est des propos qu'il a tenus en privé. On en parlait un peu avant l'émission. C'est vrai que moi, je préfère toujours m'en tenir aux propos publics qui ont un degré de certitude énorme. Après, pour les propos en privé, moi-même, hein, je ne vous cache pas, effectivement, je peux émettre des critiques à droite et à gauche. Comme tu l'as dit, Glandaf, c'est une sorte d'anticléricalisme, mais pas au sens où on pourrait le comprendre en 2020. Quoi. C'est une sorte d'attaque, mais par la droite. Quoi. C'est-à-dire que le terme précis que publicitait Hitler en public, c'était le christianisme positif. Donc c'était ça plutôt la doctrine qui mettait en avant. Et donc, c'est le terme public hein, qui l'employait, hein, c'est un pas de moi. Et donc là, en fait, lui, il veut instaurer une sorte de règne social du Christ, on va dire, de manière pratique, pragmatique. Oui. Et donc, il est déçu de ce qu'il voit. De ce qu'il voit avant même d'avoir mis en œuvre la doctrine nationale-socialiste. Quoi. Il voit des choses et il dit « Non, mais c'est pas possible, il y a une sorte de trahison. » Mais ça, faudrait... Alors, je vais essayer d'être court, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais quand même pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais c'est vrai que vous connaissez que ma position, moi, je suis catholique traditionnaliste, et donc, parmi les gens que je côtoie, il y a beaucoup de gens qui veulent retourner avant Vatican II, parce que Vatican II, c'est le désastre, etc. Donc, Vatican II, octobre 1962, il y a beaucoup de gens qui veulent, on n'a qu'à revenir à tout ce qui était avant, et vous allez voir, le monde serait parfait. Ce qui est complètement con, moi je trouve que c'est une position débile. Il y avait déjà des problèmes avant Vatican II. Si vous voulez arriver à septembre Vatican II, bah, c'est bien, hein, c'est cool. Et ben, vous aurez les conséquences un mois plus tard, et vous aurez un nouveau Vatican II. Quoi. Le fruit était déjà un peu pourri. C'est pas anodin si l'encyclique Pascendi du pape Saint Pie X, hein, qui combattait donc le modernisme, est arrivé un peu avant la Première Guerre mondiale, je crois, c'est 1905 ou un truc comme ça, quoi. Donc il y avait déjà quand même des problèmes. Le modernisme était condamné avant la Première Guerre mondiale. Et Saint Pie X parlait de fruits philosophiques pourris qui étaient déjà présents dans les séminaires, dans les églises. Il y a quelque chose qui était très présent. Quoi. L'Église, c'est toujours une sorte de réforme a posteriori. Il y a le problème et du coup, on fait l'encyclique. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner aussi que des gens ont pu voir, notamment Adolf Hitler, à quel point il y avait une sorte d'hypocrisie. Après, dans le passage en question, je ne sais pas si... Parce qu'en fait, il parle des Églises en général, donc je ne sais pas s'il veut spécialement... attaquer l'Église catholique, des entités de l'Église ou les protestants. Bon, chacun fera son... Je pense que c'est les Églises en général. Les Églises en général. Je pense aussi, mais même si c'était l'Église catholique en particulier, de toute façon, ça reste quand même... Lui, c'est celle qu'il a connue. Bon, la politique. Pour ceux qui ne savent pas, mais disons que lui-même a été dans des écoles catholiques. C'est-à-dire que Hitler est baptisé, catholique. Oui, il est baptisé, il est même confirmé. Il était, il suivait les offices. La svastika, très bel emblème, la svastika, beaucoup de gens qui se demandent d'où elle vient, il y a beaucoup de théories, mais en fait, quand Hitler faisait ses offices catholiques dans lesquels il était très très présent, la svastika, c'était un symbole qu'il avait juste en face des yeux dans son église en Autriche pendant plusieurs années. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça qu'il l'utilisait plus tard. Et après, il a eu un chemin différent à l'âge adulte, et j'ai l'impression qu'il a oscillé, en fait. Ça dépend les années, vous pouvez un peu trouver, j'ai l'impression, hein. Tout est son contraire. Il y a plusieurs choses, mais c'est passionnant. Mais, mais il en parle relativement subtilement dans Mein Kampf. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein. C'est un Autrichien qui a vécu dans sa jeunesse le Kulturkampf. Donc oui. Le combat religieux contre les catholiques qu'a mené Bismarck au nom de l'unification allemande. Donc... je pense que sa position est très, très personnel sur le sujet. Tu peux pas oublier le fait que c'est un petit Autrichien qui a voulu s'intégrer dans une Allemagne dont son appartenance n'était pas, comment dire, donnée d'office. Bon, voilà. Son parcours a fait qu'il était aussi complètement déphasé, en fait. Et puis bon, quand tu gouvernes un peu genre les trois quarts de l'Europe et que tu subis des pressions de partout, oui, forcément, tu peux être Bah ça, fulgurant ça, ça, dans ça s'est tes passé idées, dans quoi. la, ça s'est passé dans la guerre. Donc la guerre, c'est l'urgence. Il faut, enfin, Hitler n'était pas du tout préoccupé par des questions, enfin, peut-être à titre personnel, mais il ne pouvait pas les mettre en pratique. Mais là, on n'y est pas. Là, c'est plus la genèse de l'idée. Alors, je m'arrête quand même sur ce que tu as dit. Il y a deux choses. Il y a MacDav et Pierrot. Il faut comprendre. C'est vraiment très important. Il faut comprendre, parce que tu cites la svastika qu'il voit lorsqu'il va à l'office. Déjà, Adolf Hitler est très impressionné par les rites catholiques, par la solennité des rites catholiques. C'est quelque chose qui m'impressionne. Moi, j'en vois, si vous êtes... Enfin, j'ai été dans des endroits où il y avait des traditionalistes, vous savez, des paroisses... Pas des paroisses traditionnalistes, ça n'existe pas, mais des églises traditionnalistes, où il y avait des cérémonies traditionnalistes, et les rites sont très très beaux. Ils sont très très beaux. Nonobstant ensuite la doctrine, mais ça c'est autre chose. Mais c'est très très beau. Donc, ayant été enfant bercé là-dedans, la solennité, la parade, le rite est très important. Ça le marque, c'est évident. Et il y a la svastika. Alors la svastika renvoie vers autre chose. Et je ne l'ai pas cité là, mais à un moment donné, il parle de l'origine de la svastika. Il se fait une autre confidence, et en visitant un musée à Munich, oui, en fait, il y a toute une série dont on parle des peuples d'Europe, il parle des différentes ethnies, des Celtes, des Bretons, etc. Enfin, c'est intéressant. Et il parle de l'origine solaire de la svastika, hyperboréenne de la svastika. Bon, on pourrait s'attarder là-dessus, mais c'est les peuples du Nord. Mais pourquoi je m'attarde là-dessus? C'est pour dire que Hitler se retrouve à la confluence de toute une série de mouvements d'idées. Bien sûr, le romantisme. Et parmi le romantisme, il y a ce retour en force de comment dirais-je, de la matière médiévale au sens large, du mystère médiéval, vous voyez, qui avait été vraiment dénigré par le 18e siècle. On va dire l'encyclopédie, par définition, qui avait impacté toute l'Europe, quoi, le libéralisme britannique, enfin anglais, et la Révolution française, quoi. Et comment dire, la matière de Bretagne, pour le coup, et enfin, le mythe du Graal, va jouer un rôle très important. Ça va vraiment impacter énormément le romantisme allemand. Et parallèlement, il y a une autre influence, c'est la Grèce antique. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et comment dirais-je, ça se cristallise avec justement cette svastika sur l'Église catholique. C'est-à-dire que tu as à la fois l'influence des peuples du Nord, des peuples aryens qui s'établissent en Europe, avec un lien très fort avec les cycles solaires, le cycle du soleil, etc., les saisons, parce qu'il y a... Hitler en parle, hein, il dit, voilà, le climat pousse les peuples aryens à descendre vers l'Europe, la péninsule européenne, et... Le médiéval. Donc forcément, quelque part, le médiéval chrétien, forcément, c'est inévitable, la chevalerie est chrétienne, hein, c'est très clair. Et il y a une cristallisation là-dedans, et l'idéal chrétien, l'idéal dont il parle, hein, donc il explique assez bien, d'abnégation personnelle, l'idéal chrétien, je pense qu'il le retrouve beaucoup dans l'idéal chevaleresque. Et ce qu'il nous dit, là, le socialisme dont il nous parle, finalement, je crois que c'est une synthèse pratique. Qui est une formule politique, hein, c'est pour le coup, c'est pas juste une idée, c'est pas juste une esthétique, c'est vraiment une formule politique, mais qui puise là-dedans. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'exaltation des origines du peuple, même de la tribu quelque part, donc les origines anciennes, antiques, qu'on retrouve dans le romantisme, les apports évidemment du christianisme, c'est évident, et la confluence des deux dans le médiéval, parce que dans le médiéval, on a le gothique. Et le gothique, c'est par définition l'expression de la culture des peuples germaniques, hein, pour beaucoup, hein, pas exclusivement, mais pour beaucoup. Et ça permet de synthétiser tout ça. Et son socialisme puise là-dedans. Je trouve ça fascinant, quoi. C'est fascinant. Et cette définition socialiste, évidemment. aux antipodes de ce que pourrait dire un Marx, hein, je veux dire, très clairement. Hein. Et je crois que ça ne peut que parler au peuple blanc en général. Indépendamment ensuite des différences culturelles, etc. Mais c'est pour ça que peut-être que quand... Alors sur la question spirituelle, on voit bien que là, Hitler, par exemple, il n'est pas en train de nous parler d'un monde futur hypothétique après la vie. Hein. C'est quelqu'un qui est enraciné dans la réalité. C'est quelqu'un qui nous dit, voilà, le socialisme chrétien, des origines, c'est l'esprit du socialisme fondamental que nous recherchons. C'est une mission à réaliser sur Terre. Bon, déjà, ça, c'est pas en phase avec ce qu'enseigne l'Église catholique, par exemple, et les Églises en général. Hein. Les Églises disent c'est pour après la vie. Donc, il y a une rupture, là. Mais, ça déborde très largement l'Allemagne. Ça déborde très largement l'Allemagne. Donc, je trouve que là, il y a matière à réflexion. Moi, je trouve ça, ça mobilise l'esprit. Hein. Et on est très loin de ce qu'on dit habituellement de la théorie national-socialiste. Hein. Enfin, de l'impulsion première du national-socialisme. Rupture, franchement, j'ai un avis différent là-dessus. Hein. Je ne sais pas s'il y a vraiment une rupture. Hein. Quand tu lis l'encyclique Quas Primas, donc ça, c'est le papillon, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, je ne saurais pas vous dire la date de tête comme ça. Effectivement, tu vois quand même, donc c'est l'encyclique qui fait la promotion de la doctrine sociale du Christ. Ça, c'est le terme officiel. J'en vois des éléments dans le discours que tu viens de dire, quoi. C'est fondamentalement, c'est une encyclique qui a deux thèmes principaux. C'est contre le laïcisme, donc contre la montée du communisme à l'époque. C'est toujours en réaction, comme je dis, c'est toujours a posteriori. Et aussi pour faire voir un ordre social dans la société de manière très concrète. Donc là, c'est pas dans après la mort, quoi. Donc, pour le coup, je vois pas une rupture nette, quoi. La rupture que j'évoquais, en fait, c'était. T'as raison, hein, quand tu dis que l'Église catholique appelait quand même à une réforme visible. C'est pour un ordre. Je précise que c'est très important, c'est qu'il y a quand même un ordre hiérarchique. C'est pas. Oui. C'est pas la charité à tout prix. Il y a l'ordre dedans, d'accord. C'est l'ordre qui prime. Totalement. On pourrait poser la question. C'est quoi la différence avec finalement le socialisme athée? Tel qu'il a pu exister en telle ou telle tendance, ou même en Russie soviétique, etc. Bah, c'est fondamental, c'est qu'Adolf Hitler n'est pas athée. Mais il n'est pas croyant au sens où l'entendent les églises chrétiennes, ou même les musulmans, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui il distingue, bien sûr, dans une certaine mesure, la création du créateur. Mais il ne voit pas de rupture radicale. Et pour lui, au contraire, la mission du socialisme, c'est de créer une communauté qui se reconnecte avec, en fait, le cosmos, au sens large. Et la nature, qui est la face visible du cosmos. Et en fait, il s'agit d'être très pratique, mais très sensible en même temps. Donc, on n'est pas dans un mécanisme froid de type léniniste, avec des coupeurs de cheveux en quatre, spécialistes de la dialectique, et c'est pas du tout ça. On est dans une impulsion intérieure fondamentale qui doit être communiquée à la communauté. Voilà, c'est quand même très différent, quoi. Et on est très éloigné, de l'athéisme strict. Et Adolf Hitler était pas du tout athée. Mais comme il disait, si vous me demandez à quoi ressemble Dieu, je vais pas vous dire qu'il a une barbe blanche. C'est pas du tout notre conception, c'est pas du tout ma conception de Dieu. Donc voilà. Enfin, ça me semble intéressant à souligner, mais enfin. Sur ce que tu disais, parce que je vois ce que tu veux dire, hein. Il y a quand même une tentative dans l'Église catholique, pas partagée, parce qu'il y avait beaucoup de débats dans l'Église catholique, il y avait des milieux bourgeois qui en fait voulaient collaborer à la démocratie, ce qui s'est passé. Hein. Le grand combat... Oui, c'est ce qui a eu lieu pratiquement. Quoi. Il y a eu le pouvoir catholique a été directement, en fait, dès le début de la Seconde Guerre mondiale, en guerre contre le national-socialisme pendant un certain temps. Quoi. Alors pas tous, évidemment. Parce qu'il y a eu quand même une collaboration certaine, mais quand le vent a tourné, en fait, ils sont retournés aussi. Hein. Disons que le combat, je veux dire, parce que l'Église catholique, dans ses enseignements fondamentaux, a été contesté très vite. Au XVIIIe siècle, déjà, c'était bien entamé. Mais au XIXe siècle, il y a eu une lutte victorieuse de la part, on va dire, de l'aile conservatrice de l'Église catholique, c'est-à-dire, des traditionnalistes. Et qui étaient des bourgeois, d'ailleurs, il faut le préciser. Hein. Ah, explique un peu ça. Non, je veux dire, c'est une sorte de... C'est des gens qui voulaient mettre un vernis catholique sur leur contexte bourgeois, en fait, finalement. C'était pas le petit peuple, c'est ça que j'ai envie de dire. Oui, mais qu'est-ce qu'il avait déjà perdu, était déjà en train de le perdre en masse au profit du socialisme au XIXe siècle. C'est-à-dire que parce que les gens ont peut-être ceux qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais je veux dire, le prestige du socialisme. Aujourd'hui, le socialisme, c'est nous, c'est le Parti Socialiste. Bon. C'est Anne Hidalgo. Bon. Il faut quand même comprendre que, à l'origine, c'est pas ça le socialisme. Il faut quand même le comprendre. On ne fait pas la promotion de Robert Hue. Hein. Non, voilà. Donc, c'était le socialisme, il apparaît même assez tôt, parce que finalement, vous prenez Gracchus Babeuf lors de la Révolution française, on est déjà dans le socialisme, pour ainsi dire. Quoi. Je dis pas que je me reconnais dans ces idées-là, mais je veux dire que c'était déjà en train de bouillir, et ensuite, durant tout le 19e siècle, les idées commencent à émerger dans tous les sens. Enfin, c'est un bouillonnement incroyable. Et d'ailleurs, même la réaction monarchiste va proposer un certain nombre de choses. Enfin, ça va vraiment, y aura une tension constante entre les partisans de la révolution totale et les partisans de la réaction totale. Mais des deux côtés, il y aura des éléments pertinents. Et c'est souvent dans la synthèse des deux que se trouve la vérité, quoi. Mais quand Marx pond son manifeste du Parti communiste à la moitié du siècle, l'idée socialiste a déjà fait un chemin considérable. Et il a déjà un grand prestige. Et il y aura d'autres théoriciens, je veux dire, Blanqui, d'autres, enfin, il y aura... Et vraiment, c'est une idée qui est très prestigieuse, surtout dans les milieux populaires. Et puis, qui intellectuellement est très solide, attention. Et donc, l'Église catholique a beaucoup de difficultés à tenir. Énormément de difficultés à tenir ces milieux-là. Surtout les nouveaux milieux ouvriers, parce qu'avec l'émergence de toutes les usines en marge des villes, c'est un nouveau monde. Et les curés ne percent pas là-dedans, parce que les curés tenaient des masses paysannes. Et ça crée la grande tension, et vous avez des... Parce que c'est un peu toujours le même mouvement, en fait, si vous observez, peu importe l'idée, peu importe... C'est qu'à un moment donné, vous avez l'Église catholique qui est tiraillée entre des gens qui sont des ultra-réactionnaires qui disent qu'il ne faut rien changer absolument, vous avez des gens qui vont pencher vers l'extrême-gauche, qui vont dire qu'il faut tout bouleverser, etc., il faut devenir plus socialiste que les socialistes, puis au milieu, vous avez les bourgeois qui disent bon, il faut faire un peu des deux. Et au final, l'Église catholique va s'embourber là-dedans, et puis elle n'y arrivera pas. Les églises protestantes vont pas tellement plus s'en sortir. Hein. Vous avez qu'à regarder ce que ça donne les églises protestantes aujourd'hui, vous avez compris. Quoi. Et en fait, Hitler, lui, il a une position très, très, très claire, il dit, de toute façon, les églises, c'est le passé. Ça va crever. En revanche, le message socialiste fondamental, donc de la communauté du peuple, ça va rester. Et il lui faut une nouvelle forme. Et il lui faut une nouvelle dynamique. Parce que ça y est, on rentre dans ce cycle-là. Voilà. Je trouve que c'est quand même très pertinent. Ça reste très pertinent. Qui veut dire quelque chose? Soit sur ce texte, soit plus généralement une observation sur... Je sais que chez nous, il y a beaucoup de combats, beaucoup de tensions entre les chrétiens et les païens. Ça me paraît être une question qui est encore complètement différente de ce qu'on a dit. Hein. Je pense que c'est encore un autre sujet. Oui, là, pour le coup, c'est un pur sujet, parce que définir Hitler, par exemple, comme un pro-païen ou pro-néo-païen, ça n'a pas de sens, quoi. C'était pas du tout son délire. Faut pas confondre, Hitler et Himmler, c'était deux personnes différentes. Hein. Oui, totalement. Et pour le coup, totalement. Sur ces sujets-là, ils étaient en contradiction totale. Hein, totale. Bon, Hitler se foutait constamment de la gueule d'Himmler, hein, sur cette question précise. Hein. Il disait, je voulais être gentil, mais oui, il le prenait pour un idiot. Hein. Pas pour un idiot, mais il disait... Sa formule, c'était la suivante. Hein. Il disait, quand il faisait ses recherches, l'archéologie, qui a son intérêt d'ailleurs, moi j'ai rien contre l'archéologie, peu importe les époques, etc. Mais il disait, il cherche des fantômes. Quand il fouille dans les forêts allemandes, il disait, il cherche des fantômes. C'était marrant, là. Sur cette question-là, la question de l'Antiquité, quand on compare les peuples germaniques et les peuples latins à cette époque, il y a 2000 ans, hein, il s'est passé des choses entre-temps. Mais il disait, la civilisation, elle était à Rome ou en Grèce. elle n'était pas dans les forêts d'Allemagne, quoi. Et il disait, quand on voit ça, il disait, on ferait mieux de garder le silence sur ce passé un peu gênant, toi. Il a raison, il a raison. Voilà. Et il dit, mais Himmler, il passe son temps à monter sur tous les toits pour le gueuler haut et fort, tu vois. Qu'on a trouvé une hutte ici ou une autre. Bon, c'est marrant, mais je veux dire, ils n'avaient pas du tout la même. Moi, je pense qu'Hitler était finalement beaucoup plus classique dans son inspiration que par. Mais pas du tout insensible, je veux dire, à la matière païenne. Mais c'est pas quelqu'un qui fétichisait la matière païenne. C'est-à-dire qu'en fait, le fétichisme n'intéressait pas. Le fétichisme chrétien ou le fétichisme païen n'intéressait pas. C'est-à-dire que pour Hitler, quelque chose qui était pertinent, c'est quelque chose qui devait être fait. Fallait que ça soit pratique. Fallait que ça soit enraciné dans le peuple. Fallait que le peuple s'y retrouve. Fallait qu'il y ait une manifestation concrète. Si c'était du catéchisme, ça servait à rien. Voilà, c'est très clair, en fait. Donc c'est quelqu'un qui est pratique. C'est un homme politique, Hitler. Inspiré, mais un homme politique. Et je pense que c'est très pertinent. Je pense que c'est très pertinent. Moi, je me retrouve ni dans le fétichisme chrétien, ni dans le fétichisme néo-païen, par exemple. Voilà. Même si je comprends les impulsions des uns et des autres. Mais je ne m'y retrouve pas. En revanche, quand Hitler parle comme ça, je m'y retrouve. Vous voyez ? Peut-être qu'on pourrait s'interroger... je ne sais pas, je vous pose la question. Maintenant, parce qu'au moment où on est, à notre époque, là, il n'y a plus vraiment de formule politique. On dit, vous voyez, les idéologies ont crevé, etc. Je crois pas, d'ailleurs, mais... Comment vous voyez, enfin, même votre ressenti, on va dire, quel est votre ressenti face à l'absence, en fait, de formule politique aujourd'hui ? Parce qu'il n'y en a pas, quoi. Moi, j'en vois pas. Hein. On me propose le souverainisme ou des trucs comme ça. Ça soulève pas le cœur de quelqu'un, ça, je veux dire. Le souverainisme ou le cosmopolitisme, d'ailleurs, ça soulève pas le cœur d'un homme, ça transforme pas un homme. Ouais, c'est chiant, ce truc chiant. C'est chiant. Dans première partie d'émission, tu as dit je me sens plus excité par Adolf Hitler. Mais totalement. Oui. C'est ça. C'est chiant, je veux dire, c'est chiant. Les souverainistes, par exemple, bon, je veux dire, au fond, c'est quoi leur argumentaire ? C'est des arguments de bureaucrates qui disent avec nous, on économiserait plus d'argent. Mais attendez, c'est pas un horizon, un truc comme ça. Je comprends. Quelle est l'idée, quoi, c'est ça. Mais je comprends, non, mais je veux dire, je comprends. Voilà, ils disent, ouais, Bruxelles nous franchit. D'accord, ok, j'entends bien. Bon. Mais on répond pas aux besoins profonds du peuple, de notre peuple, de nos comptes. Enfin, moi, c'est clair, ça me paraît évident, quoi. Les questionnements sont autrement plus profonds que ça, que des questions, si vous voulez, de gestion administrative. Hein. Ça m'effraie assez parce que, notamment quand, avec le souverainisme, on évacue la question européenne, alors, caricaturalement, Asselineau, bon, bien sûr, bon, mais sinon Philippot et les autres. Je veux dire, quand vous les écoutez, les types vous expliquent qu'on n'en a radicalement rien à voir avec des gens qui sont nos semblables, par exemple, je sais pas, moi, en Belgique, en Hollande, je sais pas, en Norvège, ou je sais pas, moi, en Croatie. Fait, alors que si, évidemment, on est traversé par quelque chose de commun, quoi. Alors, malgré les différences. Mais... Donc, nous sommes plus proches des Lettons que non, plus proches des Maliens que des Lettons, c'est ce qu'avait dit Asselineau. Hein. Des Sénégalais, je crois qu'il avait dit. Oui, peut-être. Bah, après, en fait, la souveraineté dans l'absolu, pourquoi pas, si c'était une autre forme politique, c'est-à-dire le fait d'être maître chez soi, de maîtriser ce qu'on fait, sa propre culture, sa propre histoire, sa propre population, sa propre. Enfin, ça peut être intéressant, le fait de maîtriser les choses, d'en être souverain. Mais effectivement, Philippot, dont un des chevaux de bataille, c'était l'homophobie. Hein, on a appris ça il n'y a pas très longtemps. Asselineau, tout ça, bon, c'est vrai que c'est pas très sexy, effectivement. Regardez, nous donnons 7 milliards d'euros à l'Union européenne, alors que ceci, cela, bon, bref. Oui, c'est ça. C'est, je vois pas il n'y a pas la mystique. Tu vois, tu peux pas. Je veux dire, et le socialisme soulevait une mystique dans le peuple. Mais pour des raisons très pratiques, très concrètes, quoi. Mais il y avait une mystique. Là, il n'y en a pas, quoi. Il y a une espèce de pessimisme ambiant, d'individualisme aussi, mais forcené. Vraiment, c'est le. Ça veut dire, les gens se soucient pas du. Enfin, je généralise. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais. Cette société capitaliste là, libérale, de consommation, Franchement, je veux dire, quelle humanité ça génère, quoi. Faut quand même regarder le fruit, quoi. Moi, je vois la société française. Regardons la France aujourd'hui, la France actuelle. Regardez, comparez la France des cathédrales. Alors, la France des cathédrales, elle était peut-être pauvre. C'était peut-être des paysans. Les mecs, ils mourraient peut-être à 35 ans, d'accord. Bon, j'ai pas envie de mourir à 35 ans, mais je veux dire. Mais ce qu'ils arrivaient à produire, c'était autre chose, avec trois fois rien. Donc, le matériel humain était complètement différent. La sensibilité était complètement différente. Faut voir ce que, c'est les cathédrales. Je veux dire, faut s'imaginer la chose. Construire des cathédrales. Construire des cathédrales, ça doit nous parler, ça, construire des cathédrales. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les gens riches, très riches au XVIe siècle et au XVe siècle, ils nous ont laissé Vérone, Pise, Sienne, ils nous ont laissé des superbes. Et en fait, les milliardaires d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous laisser pas grand-chose. Les musées d'art contemporain. Et des dettes à rembourser, qui nous auront soi-disant généreusement, un argent qui nous auront soi-disant généreusement avancé. Bon, bref. Non, il n'y a pas de. Oui, il y a un manque de. Il y a un manque de spiritualité. Il y a quelque chose de transcendant qui devrait donner une cohérence à l'ensemble. C'est sûr que. Après, tu as parlé de l'offre politique. Bon, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est les pays musulmans, par exemple. Ouais. Le politique est totalement lié au religieux. Alors, même s'ils ont, dans certains cas, soi-disant des parlements et tout ça. Mais en fait, ils restent liés au Coran qui a donné un certain nombre de règles juridiques déjà dès le départ, dont ils ont énormément de mal à se sortir. En fait, c'est le christianisme. Alors, pour son bien parfois ou pour son mal parfois, en fait, Jésus n'a pas donné de règles précises. Non, il n'a pas dit, par exemple, ne mangez, ne, je sais pas quoi, n'utilisez pas de lampe le vendredi ou je sais pas quoi. Il a pas dit ça. Il a donné des enseignements moraux. Alors, ça peut avoir une très grande profondeur. Moi, je pense que c'est quelque chose de. Même ceux qui se disent païens ou athées peuvent trouver une source d'inspiration dans ce qui est écrit dans les évangiles. Mais que ce soit chez les juifs qui obéissent au Talmud ou à la Torah, etc., ils vont respecter scrupuleusement des prétendues règles qui sont en fait le fruit souvent de... Bah, qui reflètent plutôt de la superstition. Parce que oui, mais si jamais je mets ma main sur l'interrupteur à telle heure le vendredi, mon Dieu ne sera pas content de moi. Alors, c'était tellement ridicule. C'est évident que s'il y avait un Dieu supérieur, omnipotent, omniprésent, il est évident qu'il ne va pas nous sanctionner au moment du jugement dernier ou à n'importe quel moment d'ailleurs. Parce que on met sa main sur un outil électrique à telle heure, c'est absurde. Mais effectivement, alors ce qui est la profondeur à la fois de l'enseignement moral, enfin l'enseignement du Christ, ça fait en même temps la faiblesse, parce qu'à partir du moment où les gens ne vont plus à l'église, n'ont plus aucun rapport avec des prêtres parfois de plus ou moins grande qualité. Certains ont été des gens très très bien, d'autres ont été des gens médiocres. On en a eu des exemples il n'y a pas très longtemps, abondamment dans l'actualité. Mais à partir du moment où la société n'est plus imprégnée de ça, en fait, finalement, bah, ça laisse place à un certain matérialisme. Alors après, égoïsme et tout ça, mais après, il y aura quelque chose qui viendra après. Parce que la nature a horreur du vide. Alors ça peut être des populations qui viennent d'ailleurs et qui importent leur islam, par exemple. Bon. C'est déjà le cas. Ça, c'est face à ça. C'est déjà le cas, oui, c'est ça. Il y avait un article de l'Institut Iliade qui était une reproduction en fait de ce qui était paru dans Valeurs Actuelles, dont on peut discuter évidemment de la qualité inégale des écrits, mais c'était j'ai pas les sources en tête, enfin, c'était un ancien procureur, puis encore peut-être un ancien préfet, oui, qui parlait justement de l'islam en France. Alors, vous savez ici qu'on ne fait pas une focalisation sur l'islam, on parle des questions raciales, on parle de la question juive, bien sûr, ça. Mais bon, l'islam est un fait social en France aujourd'hui, et pas qu'en France, dans tout le monde occidental, en tout cas dans le monde, de l'Europe de l'Ouest. Et il faisait vraiment la comparaison entre l'émergence du christianisme à la chute de l'Empire romain et l'islam. Évidemment, il ne compare pas les deux systèmes de pensée, etc. Il disait simplement la façon dont l'islam imprègne la société et devient une force sociale et politique. Et politique. Ce qu'ils le disent bien, le christianisme, pendant très très longtemps, au moins un millénaire en Occident, a été indissociable du pouvoir politique. Et je crois qu'on l'oublie un peu vite. Alors, Adolf Hitler ne se reconnaît pas du tout là-dedans, il le précise très souvent, il dit très souvent, je ne suis pas venu pour établir une nouvelle religion, je ne suis pas un prophète, je suis radicalement, enfin c'est quelqu'un qui est un militant de la séparation de l'Église et de l'État complet, c'est quelqu'un qui pense en fait que les églises sont des parasites, en fait, sont des parasites qui empêchent l'homme d'établir le lien directement avec Dieu et avec le cosmos, comme je l'ai dit. Donc c'est quelqu'un qui est pas du, qui veut pas créer une espèce de système débile où on va encager les gens. Hein. Je veux dire, au plan intellectuel, au plan philosophique, c'est très étonnant. Les gens pensent qu'Hitler veut absolument contrôler toutes les pensées des gens. C'est pas du tout ce que pense Hitler. Pas du tout. C'est très éloigné de sa pensée. Mais aujourd'hui, dans le moment où on vit là, bon, il y a plus de cadre. Il y a plus une idée qui cimente le peuple. Et on peut même plus définir pratiquement le peuple. Puisque quand vous parlez à des Français de base, et même c'est vrai dans d'autres démocraties occidentales, tout le monde peut être français. Je veux dire, il n'y a pas de définition de ce que c'est le « nous », vous voyez ? Surtout les nègres. Voilà, c'est sujet. Mais, et même, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si vous contestez le fait que des nègres appartiennent au collectif, vous êtes mis au banc. C'est-à-dire que vous êtes écarté du groupe. C'est-à-dire que la condition pour appartenir au groupe, c'est de penser que le nègre est votre égal. C'est tout le problème. Parce que c'est pas vrai, racialement. Et c'est pas vrai spirituellement, parce que la spiritualité d'un nègre, bon, je suis généreux aujourd'hui, mais la spiritualité d'un nègre, bon, c'est on le voit bien, par exemple, les églises évangéliques, parlons-en, regardez, vous regardez des blancs qui vont dans une église, regardez comment ils pratiquent leur religion, regardez des nègres qui vont dans une église évangélique, regardez les faire, bon, c'est pas la même chose. L'esprit est différent, très clairement différent. Donc après, on va vous dire que ça, qu'on peut foutre. Je vois Macron, là, je le vois déambuler. Il parle de la France. Il dit la nation. Nation de quoi ? 15 millions de métèques ? 10 millions de musulmans ? De quelle nation parle-t-il ? D'un salmigondi de peuples surgis de tous les coins de la terre. Chacun son culte, sa secte. Quelle nation parle-t-il ? Donc si vous voulez, on est en pleine sénilité collective, je veux dire. On a eu l'hallucination collective avec le coronavirus, là maintenant, on a la sénilité spirituelle, quoi. Je veux dire, on est en train de s'imaginer des trucs qui n'existent pas. Voilà. Des fantômes, oui. Précisément. Sur les évangéliques, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est qu'en fait, c'est un courant très dynamique, en réalité. Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est en rupture totale avec ce qui se faisait jusqu'à présent. Mais je crois que les évangéliques sont souvent des gens qui ont mobilisé des choses assez concrètes autour notamment de, parce qu'ils tiennent des discours souvent très radicaux sur l'homosexualité par exemple. Tout à fait. Ils disent en gros, les gens qui se comportent de telle ou telle manière, ils vont brûler en enfer. Mais ça, ils le disent très clairement, c'est-à-dire qu'en fait, ils mobilisent des choses qui sont accessibles quasiment à tous, quoi, même au plus faible intellectuellement, quoi. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Alors, je dis pas que je suis évangélique ou quoi que ce soit, mais il faut reconnaître qu'ils ont réussi à trouver un levier comme ça de contrôle des masses qui est assez important, quoi, qui joue souvent sur leur quand même sur leur fragilité, quoi, sur leur naïveté, on va dire. Mais après, finalement, bah, c'est un truc assez, objectivement assez efficace, finalement. Moi, je pense que c'est tout le problème qu'on affronte aujourd'hui en Occident, c'est-à-dire que le libéralisme démocratique, parce qu'en fait, c'est ça, on est prisonnier de ces élections. Les gens ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas ce truc-là. Tant qu'il y aura des élections, il n'y aura aucune solution. Ce que je veux dire par là, c'est que les élections ne sont pas la solution, elles sont le problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Elles sont le problème parce que les gens pensent que, dans leur fort intérieur, individuellement, ils peuvent prendre la décision nécessaire dans les urnes pour régler la situation. Évidemment, ça ne se produit jamais. Mais c'est suffisant pour paralyser toute espèce de mouvement collectif qui nécessite par définition de l'autorité et, marginalement, une forme de coercition, mais marginalement, je veux dire, de susciter dans le peuple un mouvement collectif. Or, les élections entretiennent non seulement l'individualisme, parce que c'est l'isoloir, hein, et la guerre de factions. Il n'y a aucune chance que ça produise quoi que ce soit. C'est tout l'inverse. En revanche, les nègres et les arabes, eux, ont leur collectif. C'est-à-dire que, d'abord, on n'a pas besoin de les forcer pour être racistes. Ils sont racistes. Ils sont racistes à l'état naturel. Je ne leur reproche pas. C'est comme ça. C'est dans l'ordre des choses, quoi. Mais il n'y a pas besoin de les forcer. Alors que les blancs, il faut les forcer. Mais ces gens-là, il ne faut pas les forcer. Et en fait, ils se donnent ensuite des outils à caractère plus ou moins religieux, bon, pour s'exprimer en tant que groupe. Donc, qui est l'islam ou qui est l'évangélisme ? Surtout l'islam. Mais c'est très clair que ce sont, entre guillemets, des religions ethniques. L'islam est une religion, je ne vais pas dire ethnique, parce que bon, il y a 1,5 milliard de musulmans, donc évidemment, il y a des Asiatiques, bien sûr, mais quand même, le cœur est arabo-musulman, comme on dit. Hein. Le cœur du truc est là. Ou oriental. Ou oriental, quoi. Bon. Et les nègres, enfin, l'évangélisme en Afrique, bon, c'est très identifié aussi, quoi. Et les Blancs, ils n'ont pas ça. Parce que eux, ils ont leur religion. Les Blancs ont leur propre religion. Qui est la démocratie libérale. Le choix individuel. Illusoire. Théorique. Mais celui qu'ils exercent, quoi. Et la consommation. Les gens qui disent, ouais, les élections, c'est la... Non, je veux dire... Pour moi, il faut déjà poser le premier constat qui est fondamental. Il n'y aura pas de changement tant que la démocratie est debout. C'est impossible. La première condition, c'est renverser la démocratie. C'est la première condition. Ça ne veut pas dire abolir la volonté du peuple. Hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais la démocratie libérale où tu fais ton marché d'opinion... Enfin, d'opinion politique avec des parlements... Non, ce sera... D'autant que c'est manipulé constamment pour ceux qui contrôlent les médias, quoi. Donc, je me reconnais totalement dans ce que dit, pour le coup, Adolf Hitler. Donc, je me reconnais dans cette expression du socialisme, enfin, si c'est ça le terme. Dans l'idéal, évidemment, d'abnégation, de sacrifice, et de... Oui, de communauté. Je m'y reconnais totalement. Ça me parle. Ça me parle. Mais pas juste pour communier, je veux dire pour créer des choses, quoi. Mais ça me parle. Mais la démocratie libérale, ça me parle pas. Et ça me parle de moins en moins, je dirais. Bah, d'autant qu'un politique, pour se faire élire aux élections démocratiques, il va devoir promettre un certain nombre de choses, mais il va promettre à des niches, il va promettre, ouais. Enfin, soi-disant à des gens âgés, soi-disant à des jeunes, mais évidemment aussi des clins d'œil... à des communautés étrangères. Et en fait, par là même, déjà, on dit que la République ne reconnaît pas de communauté. Oui, peut-être qu'elle ne reconnaît pas en droit, mais dans les faits, ça existe, évidemment. Et puis, toute l'histoire du monde est une histoire où des gens savent s'identifier à leur propre communauté, la délimiter, et puis s'opposer d'une manière plus ou moins directe, financière, guerrière ou autre, à une autre communauté, à un autre peuple. Donc finalement, les élections, oui, ça va être flatter une communauté contre une autre, au détriment d'une autre par définition, même si on ne le dit pas comme tel. Et donc ça va ne faire qu'écarter encore plus les communautés qui, de toute façon, ne pourraient pas coexister. Elles peuvent coexister relativement pacifiquement s'il y a déjà du plein emploi et que bon, la justice fonctionne à peu près, mais ça, ce n'est pas valable non plus sur le long terme. C'est qu'une solution provisoire. Donc voilà. Oui, enfin, la République ne reconnaît pas les communautés officiellement, mais dans les faits, quand le CRIF siffle, la République accourt. Oui, quand le ramadan approche, il y a des primes aussi. Primes spéciales. Disons, les élections, ça peut être un thermomètre un peu sur certains sujets. Si le peuple n'est pas très content de dire pour telle ou telle raison, il va s'exprimer pour un parti contestataire et donc on va pouvoir voir qu'il y a quand même des gens, et puis après ils vont être plus ou moins dans les campagnes, ou plus ou moins de tel âge, et ils vont être, voilà, donc ça va être un thermomètre quoi, de la situation, mais ça ne va pas être la solution. Hein. Bah, non, tout à fait, mais de toute façon les gens devraient pouvoir voter sur quelque chose qu'ils comprennent, donc c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien, je veux dire. Je veux dire, il faut décider sur quelque chose que tu comprends. C'est tout, voilà, bon. Mais, ce que nous dit Hitler, là, lui, il parle de l'Allemagne de l'époque, qui est une démocratie, ne l'oubliez pas, hein, c'est la République de Weimar, hein, la décomposition complète, etc. Il y a quelque chose, finalement, qui le renforce considérablement dans sa position, c'est le fait que c'est un ancien combattant, il y a des millions d'anciens combattants, et que ces gens-là ont expérimenté la solidarité du front. Et le sacrifice pour le camarade d'à côté. Donc pour eux, c'est pas de la théorie, c'est quelque chose qu'ils ont vécu pendant 4 ans de guerre, pour certains. Donc c'est quelque chose qu'ils ont ressenti intimement. Et en fait, ce que propose Adolf Hitler, en fait, c'est de transposer sur la société l'expérience de la Première Guerre mondiale, de la solidarité du front entre soldats, pour élever la société. Vous voyez, donc il y a une convergence de plusieurs choses, hein, de plusieurs influences. Mais aujourd'hui, évidemment, on est à des lieues de ça, parce que c'est ça, c'est pour ça que cette démocratie pourrie, je veux dire, c'est le régime le plus infect d'entre tous, quoi. Je veux dire, les gens, ils sont même pas au courant. Maintenant, vous voyez. Écoutez, c'est un petit peu intéressant quand même cette histoire. Vous savez, là, les gens qui applaudissent tous à leur fenêtre, etc., même si c'est manipulé, c'est stupide. Mais les gens, ils découvrent, ou ils redécouvrent, qu'ils forment un tout. C'est manipulé, mais il y a des gens qui découvrent que... que, effectivement, la caissière ou l'infirmière servent à quelque chose. Parce que... dans ce système libéral et comment dirais-je ultra capitaliste finalement, mais en même temps hyper dirigé, parce que on est quand même dans de l'assistanat généralisé, quoi. C'est très bizarre comme système quand même. Finalement, chacun fait libéral. Bah, il y a un petit peu de ça, quoi. Chacun fait son petit truc, tu vois, un peu l'ouvrier, l'OS, quoi. Et personne n'a idée de ce qui, de ce qui se passe ailleurs. Tu sais pas exactement pourquoi tu fais ce que tu fais, quoi. Et la seule explication qu'on donne, c'est « Bon, écoute, t'as un peu de pognon, tu peux t'éclater avec, fais-toi plaisir. » C'est tout. Mais ça peut pas répondre aux besoins profonds de l'humanité, ça. C'est pas possible. Ça peut marcher 50 ans, ça peut marcher peut-être même 100 ans. Mais avec un coût énorme. Regardez la France, comment elle dégénère. Elle dégénère pourquoi ? Elle dégénère à cause de ça. C'est voilà, la démocratie... Le consumérisme, voilà, ça vous donne une flaque marron. Faisons venir le tiers monde, pourquoi ? Ah bah si on veut pouvoir racheter quand même un peu plus de trucs, il nous faut bien des, hein, voilà, alors il faut faire venir Mamadou. Ouais. Mais c'est de ce niveau-là, vous imaginez, quoi. On veut partir 3 semaines et non pas 2 à la boule, donc il faut, voilà. Il faut du pognon, donc on va détruire la civilisation. Non mais c'est oui, exact... on peut pas faire non plus. On ne veut pas non plus travailler à l'abattoir, on ne veut pas non plus se salir les mains. Donc voilà. Un peuple aussi qui refuse de mettre les mains dans le cambouis, il le paye d'une certaine manière, que ce soit souvent, c'est la manière démocratique, mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon, c'est dangereux. Quoi. De même que historiquement, les pays qui ont fait appel à des mercenaires étrangers pour composer leur armée, le problème de ces mercenaires étrangers, quand ils trouvent un meilleur offrant ou quand l'ennemi d'en face leur propose davantage d'argent, ils n'hésiteront pas à se rebeller non plus. Donc l'argent ne fait pas tout, on ne peut pas tout acheter. Hein, c'est sûr. Tout à fait. Et pour moi, quand même, pour ceux qui ont un peu de connaissances historiques, bon, la France de Saint-Louis, c'était quand même grand, je veux dire. Ils n'avaient pas la richesse qu'on a aujourd'hui, ou le confort, etc. Je dis pas que les gens, ils crevaient dans des conditions difficiles. Mais il y avait quand même une noblesse, quoi. Visible, qu'on voit encore aujourd'hui. Parce qu'ils ont légué, vous voyez. Notamment par les cathédrales, qui flambent. Parce que maintenant, dans les démocraties, les cathédrales, elles crament. Oui, étrangement. Alors regardez, rappelez-vous, parce qu'on oublie ça. Notre-Dame a brûlé. Macron, il s'est engagé à la reconstruire en 5 ans. Mais imaginez-vous ça, les constructeurs de cathédrales qui diraient on va faire ça en ça. Mais c'est quoi mais ça dit tout de l'époque. T'en as rien à foutre de la date limite. Tu veux savoir si c'est bien fait. Ces démocrates, ils prennent le problème à l'envers. Ils veulent la date avant de savoir le processus, comment et non, avec non, qui. C'est un administrateur, Macron. Oui, non, mais oui. Tout à fait. Mais... Il est intéressé par la date de péremption et par le budget. Il a cru que Notre-Dame, c'était un yaourt. Oui, mais aussi, voilà, je vais me faire réélire, je me suis engagé sur le truc et tout, donc réalisez-moi, vous verrez, elle sera construite en temps et en heure. Et on parle de, vous savez, de cette charpente vieille de 8 siècles qui était faite en chêne, etc. Et on est à des années-lumière de ceux qui ont construit ça. Et moi, ce que je dis, et c'est ce que nous dit un petit peu en filigrane Adolf Hitler, il parle de ça, de retrouver justement cette... de lutter face à la standardisation, l'industrialisation, le fait de normer les masses, etc., de résister à ça pour trouver le fil du génie humain, vous voyez, qui façonne dans la durée. Plutôt que de reproduire bêtement, justement, comme le proposait à la fois l'américanisme, et le propose toujours l'américanisme, ou bien le bolchevisme stakhanoviste. Moi, je me retrouve totalement là-dedans. Donc, socialisme européen, effectivement, qui n'est pas hein, donc la... la cistana actuelle, et qui n'est pas non plus la négation des hiérarchies organiques. Hein, mais... Quelqu'un veut-il dire quelque chose Ouais, allez, je vais faire un petit... Parce que tu m'as chauffé un peu, Gandalf, tu vois. Donc, ah, je suis bon pour chauffer les gens. Ouais. Non, c'est aussi un peu pour expliquer mon propos antérieur. Je vais encore me faire beaucoup d'ennemis, je pense, parmi les gâteaux tradis. Et bon, tant pis, hein, faut dire les choses aussi parfois. En tant que catholique, je pense que l'Église ne peut pas se tromper sur la foi et les mœurs. Ok, c'est entendu. Mais enfin, l'Église peut se tromper sur des questions politiques. Mais enfin, mille fois, quoi. C'est arrivé plein de fois dans l'histoire. C'est arrivé pour le traité du Concordat, quand ils ont voulu en gros. Ils ont voulu en gros mettre la main sur le gallicanisme, et puis en fait ça s'est mal passé, ça s'est retourné contre eux. La bataille des Cristeros, qui était en gros tuée dans l'œuf parce que le pape avait fait alliance avec le gouvernement mexicain et avait dit aux Cristeros de lâcher leurs armes. Et puis en fait, le gouvernement mexicain les a tous zigouillés, limite, voilà. C'est un peu l'histoire des Cristeros, si tu veux, qui m'a vacciné du catholicisme, en fait. Triste, hein. Enfin, de la papauté, je précise. Mais je vais te convertir, Gandalf, t'inquiète pas. non, mais ça peut arriver, même pour la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est aussi un exemple, parce qu'effectivement, l'Église a aussi des hommes faillibles, même en termes de politique, quoi. Donc effectivement, avant 1942, l'Église catholique a plutôt des bonnes relations avec le Troisième Reich. Il y a plein d'églises qui sont construites, et il y a de nombreux évêques allemands qui sont ouvertement pro-nazis, quoi. Et qui, quand le vent tourne, ils font l'erreur politique de se tourner vers le plus fort, et ils oublient finalement de se tourner vers le meilleur, ce qui devrait être le cas. Donc oui, l'Église peut se tromper en matière politique, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Ça fait du bien de le rappeler aussi, quoi. Oui, mais le problème... Bon, là, ça nous amènerait sur un débat sur le christianisme. Je pense que c'est pas nécessaire, mais... Ouais, ça va. Ouais. Hein. Qui d'autre sur... Est-ce que par hasard, chez vous... Je pense qu'aujourd'hui, le mot socialisme est complètement dévoyé, donc je suis pas sûr qu'Adolf Hitler... D'ailleurs, Adolf Hitler l'a dit, il a dit, pourquoi j'utilise le mot socialisme? C'est très peu recevable, enfin, le socialisme ouais. est très peu audible, en tout cas en France, où le socialisme est synonyme de filer de l'argent aux nègres. Totalement. Et pas qu'aux nègres, aux parasites en tout genre. Ça peut être les bougnoules, ouais. Ça peut être les espèces de... Même les de white trash. Du Lot-et-Garonne, c'est beaucoup de choses. C'est bizarre, t'as pas cité Agen. Lot-et-Garonne, c'est pareil. Donc ouais, c'est non moi je enfin c'est très bien ces considérations là. En 2020, le blanc en français doit être libertarien au possible, être pour la destruction totale de l'État parce que c'est son ennemi principal. Effectivement, il y a des considérations sociales, etc. Socialisme. Oui, toi tu voudrais dire en fait une espèce d'anti-bolchevisme intérieur en fait. Ouais. Il faut détruire l'État en France, clairement. Quoi. C'est ce qui nous tue. Voilà. Je crois que je suis complètement d'accord avec toi. Parce que quand tu vois la politique économique et la politique raciale de l'État français, qui consiste en fait à assassiner les Français, en gros, hein, c'est ça, c'est tuer les Français de souche, en gros. Enfin, les faire marner le plus possible, en retirer un maximum de blé et de cash, mais à la fin, c'est quand même l'abattoir. Hein. En gros, c'est ça, et les remplacer par des nègres ou des bougnoules, à la Akbar, quoi. Bon. Quelqu'un voulait prendre la parole, je crois. Oui, moi. Déjà, enfin, le problème, c'est qu'en France, le mot socialisme, il a été longtemps accolé à la gauche, enfin depuis la fin du 19e, quoi. Et en plus de cela, il n'est même plus accolé à la gauche, il est accolé au gauchisme. Dans les représentations générales, c'est ça. Tu dis socialisme, on te répond gauchisme. Je vais même te dire une chose, dans l'esprit de beaucoup de gens, on te dit socialisme, les gens te répondent gauche corrompue, ouais. Mitterrand et compagnie. Et c'est très récent, je crois que c'est la marotte de, comment il s'appelle, le prof là, Micha, c'est sa marotte, c'est-à-dire de, le socialisme n'est pas né à gauche, et la gauche c'est pas le socialisme. Bon écoute, pourquoi pas. Mais... ce qu'on appelle le socialisme, c'est une doctrine, enfin une idée politique qui vient du 19e. Après, l'ancien régime, il a pu adopter des mesures sociales. Bon. Si tu veux, je suis. Comment dire? Je suis circonspect parce que pour moi, tu as l'idée, les grands principes généraux, et puis l'organisation pratique. Moi, je. Tu vois, tu peux tout à fait avoir une politique relativement libérale, et puis mettre en place des mesures sociales. C'est absolument pas compatible. Donc pour moi, si tu veux, il y a le discours, puis il y a les actes. Et bon, je suis pas partisan de discuter des heures et des heures sur le socialisme. Non, moi non plus, je suis pas partisan de discuter des erreurs sur le socialisme, parce que je pense que très largement le mot est dévoyé et obsolète en fait. Mais Hitler disait, on lui a demandé pourquoi vous avez appelé votre parti le Parti National Socialiste, enfin le socialiste. Il avait dit, bah écoutez, en fait c'est vrai, j'aurais pu très bien appeler le parti libéral, ou peu importe, il dit, mais ce mot-là avait un très grand impact sur les foules au moment où il s'exprime. Hein. Donc en Mais disant oui, bien voilà. sûr, mais ça. C'est plus le cas maintenant, hein. C'est plus le Non, cas mais maintenant. c'était Donc quoi le contexte de l'époque, tu vois? tout à fait, mais c'est ce Il est que je dans dis. une Allemagne où tu as des millions de personnes qui n'ont pas de boulot, à qui tu demandes une seule chose, c'est. Ça va peut-être revenir, ça, par contre. Ouais, voilà, enfin, de travailler. Il leur a filé des pioches, et puis voilà, je veux dire, les gens ont retrouvé leur dignité de cette façon. Mais. Faut bien se dire une chose aussi, c'est que là, en Allemagne, si tu penses aux idées de Bismarck, le socialisme, c'est plus ou moins construit avec la nation allemande. Tu Oui. vois? Il a continué ça. Il a Tout à fait. continué ce qui a été fait sous le Second Empire. Donc, enfin, le Les Second Empire allemand. bribes, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, je suis pas là en train de vous dire, les gars, il faudrait réhabiliter le socialisme. Pas du tout, c'est pas ce que je suis en train d'expliquer. C'est plus l'évolution, si vous voulez, Mais pour moi, il faudra bien un mythe mobilisateur. Ça me paraît évident. J'utilise le mot mythe à dessein d'ailleurs. Il faudra un mythe mobilisateur qui va se former au bout d'un moment. Hein, je veux Oui, dire, et qui. tu veux une mystique politique, ça on a compris ça, mais écoute, je pense qu'il va falloir une révolution des mœurs, hein. Vraiment, moi je suis persuadé que les gens n'ont plus besoin de ça. Il va falloir une révolution des mœurs, donc il va falloir un traité de Versailles. Non, moi Ouais. je suis pas d'accord avec ce que quand tu dis. Moi je pense que c'est les difficultés qui vont faire accoucher des choses. Et je suis pas du tout. Je crois qu'on est là, on est dans une phase très très nihiliste en fait. Où justement, les gens ne veulent pas du tout se projeter dans quelque chose. Ça, j'en suis convaincu. Donc en fait, on voit bien. Hein, je veux dire, ne parlez pas de choses collectives aux gens, ça les intéresse pas. On le voit, ça les intéresse pas. Mais je pense que ça va se terminer parce qu'en fait c'est la phase finale d'une époque de vaches grasses où en fait on peut vivre sa petite vie, etc. Et là les difficultés approchent. Dans les difficultés, je pense que les mentalités changent radicalement. Je pense qu'on va vers des bouleversements, y compris culturels, très importants. Mais très difficiles en même temps. Hein. Je veux dire, je suis pas en train de vous dire voilà, ouais, on va changer, ça va être. Pas du tout mai 68, par exemple, voyez. Quoique ça a été une révolution à sa façon, hein. Une Et toi, révolution t'es un culturelle. romantique, Gandalf. Non mais j'y Moi, crois, non mais je crois je qu'il y aura suis des. Je beaucoup crois plus qu'il y aura beaucoup. matérialiste. Je crois qu'il y aura. Non, je crois qu'il y aura des épreuves. Et que les épreuves façonnent les gens, donc je suis matérialiste en ce sens-là. Que ça va forcément les contraindre à toute une révision de certains acquis, je veux dire, à la fois matériels d'ailleurs, mais d'acquis culturels, en se disant, ah oui, bah, ça c'était acquis tout le temps, etc. Par exemple, notamment le gauchisme et le manfoutisme. Ça, je crois que ça n'a pas d'avenir. Ouais, bien que l'on parle avec Benoît Hamon ou d'autres du revenu universel et tout ça, donc certains disent oui, il y aura demain une société avec des robots, donc tout sera produit, et puis par conséquent, on pourra toucher une somme d'argent suffisante pour pouvoir se loger, puis accéder à des Ouais, loisirs, bah. etc. Ça s'appelle l'Union soviétique. Hein. Et c'est pas très. Je veux dire, oui, on peut te filer un petit machin, tu vois, avec un appartement, tu vois, mais t'as pas envie de vivre dans un clapier soviétique, tu vois ce que je veux dire, ça, Alexis. Bah, je vois très bien, moi je suis pas promoteur de ce genre de truc, je dis pas non plus que j'y crois, parce que je pense que c'est un truc qui est aussi une forme de populisme, c'est-à-dire on essaie de faire croire, puis c'est un peu comme quand on disait en 1960 ou 50, on disait en l'an 2000, il y avait le mirage de l'an 2000, en 2000 on mangera des capsules, et puis on se baladera en soucoupe volante, il y a cette vision parfois de l'avenir scientifique qui est complètement parfois romantique, enfin romantique au sens négatif, qui est complètement de l'ordre du rêve. Quoi. Donc je ne dis pas que ça arrivera comme tel, je crois aussi qu'il y aura des grandes difficultés, et que les difficultés sont le théâtre de bouleversements, donc ça peut, il y aura évidemment plein de choses qui vont changer, mais je n'ai pas de boule de cristal, pas de palantir, comme on dit l'autre jour, mais voilà, on verra. Bah, voyez, hein, franchement, pour en revenir... Alors, je... Comme Magda dit que je suis un romantique, c'est vrai, mais c'est pour moi c'est pas un défaut. Mais comment dire, je suis quand même assez réaliste et voyez la société là qu'ils sont en train de préparer là, qui mute très vite. Hein, vous voyez, ça va très très vite. Hein. Là, j'ai parlé des drones, ça a l'air un petit peu dérisoire, dit comme ça, des drones. Ah oui, 600 de plus, 600 de moins, qu'est-ce qu'on en a à foutre quelque part? Sauf qu'évidemment, il y a un an, il n'y avait pas de drone pour voler au-dessus de nos têtes pour nous dire « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'aller pisser là. » Cette société normée avec des gros culs à cuche en uniforme bleu pour nous dire « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'aller là. » Parce que quand même, hein, vous comprenez, le bisexuel de l'Elysée a dit que c'était pas possible sur les conseils de X trucs conciliabules. Écoutez, c'est une telle insulte à la dignité humaine, moi je peux pas croire. Enfin, malheureusement, j'ai un peu peur qu'il y ait un certain nombre de gens, des millions même, qui suivent ça sans broncher, c'est vrai. Mais je peux pas croire qu'il y aura pas de rebelles. Et je crois beaucoup en la rébellion. Pas en la rébellion en tant que telle, je veux dire, il y a des rébellions qui sont légitimes, des rébellions qui sont illégitimes. Mais je crois qu'en ce moment, on a vraiment besoin de rébellion. On a besoin de rébellion. Et d'une vraie rébellion. Donc en ce sens-là, je suis un peu romantique, oui. Non, mais chacun espère là que la période de... C'est pas, en fait, c'est pas la période de confinement. C'est, chacun a l'impression de vivre une époque charnière. Oui. Et que les structures sociales et économiques vont se retrouver métamorphosées. En fait, la mondialisation va se retrouver dans une toute nouvelle phase différente. Il y aura une mondialisation de l'information, mais peut-être pas forcément une régionalisation de la mondialisation. Voilà, ouais. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Ouais. Et chacun espère que oui. Ces idées vont plus ou moins triompher pour ceux qui ont un peu de structure politique. Moi, je ne suis absolument pas de cet avis. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Je peux juste... éventuellement dessiner un spectre des possibilités, mais je ne sais absolument pas ce qui va se passer. J'espère qu'on va en terminer avec le gauchisme. C'est ma plus grande espérance, c'est ça. Et moi, tu vois, tout certain. Moi, je vois autour de moi, les gauchistes sont persuadés que le massia arrive, quoi. Écoute, l'humanité fraternelle va t'arriver. Donc, tu l'as dit toi-même, tu l'as dit, avec les problèmes qui vont émerger de chômage, d'emploi, des problèmes durs, ok. Les droits des fiottes, ça va vite être passé par perte des profits. Hein. Et le droit des fiottes, comme espèce de nouvel horizon du progrès, c'était une thématique d'une société qui s'emmerde. Une société qui s'emmerde parce qu'elle a du pognon, parce qu'elle a rien à foutre, parce qu'elle s'engraisse, alors ouais, il fallait trouver une connerie, alors c'était ça, et puis mille autres choses, quoi. Tu vois. Mais quand on va arriver dans le dur, donc dans le dur de l'histoire, le droit des rondelles à se faire élargir, ça va vite être bazardé, je vais te le dire. Hein. On va rentrer sur des thématiques beaucoup plus dures. Ça ne deviendra plus un enjeu. Ça n'a jamais été un enjeu. Ça n'a jamais été un enjeu, mais cette fois-ci, les gens vont s'en rendre compte. Bon. Oui, mais c'est pour ça que tu me dis, est-ce que le gauchisme va crever, etc. Oui, moi je pense. Alors, tu auras toujours trois excités, tu vois. Mais ça va reprendre la proportion que ça avait, ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Le droit des fiottes, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était rien du tout. C'était rien du tout. C'était une petite minorité qui s'agitait. Maintenant, ça a pris un poids énorme, etc. Ouais, dans cette société totalement tertiarisée, externalisée, métropolisée, voilà, où les PD ont le droit de vie et de mort sociale sur les autres. Oui. Mais c'est une phase. D'ailleurs, c'est un message peut-être que je leur adresse, ainsi qu'à d'autres catégories hein, minoritaires hein, qui ont beaucoup parlé ces 20 dernières années ou 30 dernières années. Planquez-vous. Méfiez-vous. Planquez-vous. Planquez-vous. Planquez-vous. Vous savez de toute façon que ça va chier, vous le savez. Vous avez bien raison de le savoir, mais je vous le dis vraiment presque. Oui, bah, vous voyez, c'est ma nature. Voilà. Dramatique. Non, c'est ma bonne nature. Voilà, je suis magnanime, j'aime les gens. Tirez-vous, cachez-vous. Vous voyez, comme avant une bonne descente de police, vous savez, vous dites à votre voisin, moi, j'ai eu un truc, dors pas là cette nuit. Tu vois, voilà, pareil. Voilà. Les catégories concernées seront très bien s'identifier toutes seules, je pense. Je crois que la révolution approche. Et si elle... En tout cas, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Voilà. Oui, bah moi, je sens... Enfin, si ça peut... Si... Oui. Il y aurait un point où ça pourrait avoir lieu, en tout cas, ça serait... Des confinements. Pour un deuxième confinement. Oui, alors oui, il est visionnaire d'Eric, parce que... Ça fait un petit moment que j'en parle. Oui, mais oui, t'es le seul, tu as apporté ça à mon attention, je trouve ça très pertinent. Explique un petit peu quand même le truc. Bah, là, on va être déconfiné le 11 mai, semble-t-il. Le 11 mai, il y aura encore des malades. Il y aura des gens qui sont malades, qui ne savent pas qu'ils sont malades. Et puis bon, surtout les vieux, ils vont, dès le 11 mai, se ruer sur dans des coins, tous au même moment, sur le bassin d'Arcachon, la côte d'Opale, la côte d'Azur, enfin, ce genre de coins tout à fait bien répertoriés. Et ils vont se contaminer tout le monde, et l'épidémie va reprendre là où elle avait, au même endroit où elle avait commencé. Donc, en toute logique, le gouvernement devrait, puisque les mêmes causes entraînant les mêmes effets, devrait réordonner un nouveau confinement. Et là, ça pourrait être mal perçu. Donc toi, tu verrais en fait une résistance, un refus d'un second confinement par les acteurs économiques, comme on dit, c'est-à-dire en fait par la population productive, les producteurs, en fait, une rébellion des producteurs. Je sais même pas si ce sera les producteurs, parce que quand les producteurs font des trucs, le politique s'en branle. Les boomers ont fait leur caca nerveux pendant quelques jours. Ouais, ils sont. Par rapport au déconfinement. C'est pas raffiné. On leur dit, ok, pas de problème, vous faites ce que vous voulez, vous êtes les rois. Donc, voilà. Mais peut-être que les boomers n'accepteront pas. D'avoir un mois de juin où ils ne pourront pas aller en vacances où ils veulent, comme ils veulent, en France. Et ça pourra peut-être poser problème. Parce que les gens qui bossent ou qui ont perdu leur boulot râlent, la politique n'en a pas vraiment grand-chose à foutre, puisque ce n'est pas eux qui les élisent. Enfin, oui, ce ne sont pas eux qui les élisent, les politiques. Ce sont les retraités. Donc et les bougnoules aussi. Ouais, mais c'est vraiment marrant. Oui, Eric, mais les gens qui perdent leur boulot peuvent avoir faim et peuvent se révolter, tu sais, quand t'as faim. Tu vas regarder Cyril. Les pauvres, bon, bref. Les immigrés, pareil, les immigrés, ça vote effectivement en masse pour les. En tout cas, en proportion présidentielle pour la gauche, mais ça vote très peu en nombre. Il y a beaucoup d'abstentions. C'est vrai, ces gens-là. Donc, à l'heure actuelle, celui qui donne le là, le souverain, le faiseur de roi, c'est le boomer. Voilà, c'est l'électorat boomer. Donc, s'il décide que toi tu dois être confiné et pas lui, eh bien, il décidera que tu dois rester confiné, que lui doit aller en vacances. C'est ça. Enfin, en vacances, hein, on se comprend, ils sont tout le temps en vacances. Mais il faudra que tu sois à son service partout. Une forme d'esclavage, hein, qui ne dit pas son nom. Donc, si le gouvernement remet un confinement généralisé, donc en l'occurrence pour les boomers aussi, donc les gens qui ont plus de boulot, qui voulaient reprendre, vont être pas vraiment contents. Et les boomers, bon, bah, qui sont des enfants capricieux, vont faire des caprices. Donc le caprice des uns et la réalité économique catastrophique des autres peut donner des trucs assez marrants. Tout à fait. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça, bon, voilà, ça pourrait se passer quelque chose là. D'ici le 11 mai, ça passera rien. Oui, non. Prime de Ramadan, on arrose le fric partout. ouais, on va leur livrer des loucoups par DHL. Enfin, ça va être depuis l'Algérie, on va leur livrer des trucs. Oh, ouais, par drone, des bombardements de loucous. Avec la gueule de Macron sur le paquet. Fascinant. Ouais. Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. Et bon anniversaire au Führer. Bon anniversaire, tonton.